de prolonger les discussions qui ont eu lieu cet été pendant un colloque sur les rapports entre la philosophie et l'anthropologie. Donc c'est très bien, j'ai un peu amélioré mon texte, préparé d'autres arguments, etc. Et puis, on en discutera. Bon, je m'excuse d'emblée pour le côté un peu quasiment scolastique de ce texte. C'est de la discussion d'auteur, hein, donc j'espère que c'est pas trop inconnu pour vous. En même temps, vous avez eu la tour la semaine dernière, donc il vous a immergé dans des trucs que je vais reprendre un petit peu aujourd'hui. Voilà. Alors, le programme de recherche qu'on rassemble sous l'appellation du tournant ontologique ou du tournant métaphysique fait apparaître une série de problèmes à la fois épistémologiques et politiques. Ces problèmes concernent le rapport entre un niveau proprement ontologique d'appréhension des phénomènes, qu'on caractérisait autrefois comme des phénomènes sociaux ou culturels, et la vocation critique de l'anthropologie. Je voudrais montrer que si le recours à ce registre d'explication a du sens, c'est parce qu'il relance et qu'il radicalise la portée critique de la raison anthropologique en lui donnant une nouvelle assise et une nouvelle ampleur. Alors pour cela, je vais essayer d'inscrire les arguments du courant ontologique au métaphysique dans l'histoire de la discipline anthropologique. Parce que je pense qu'en décrivant la façon dont l'anthropologie a converti l'ambition rationaliste de la sociologie classique, celle de Durkheim en fait, on peut éclairer la position qu'elle prend dans le champ des savoirs aujourd'hui et accessoirement le genre de défi qu'elle lance à la philosophie. Cette démarche permet non seulement de savoir ce qu'on peut attendre légitimement de ce tournant dit ontologique, mais aussi de savoir ce qu'on peut en faire, c'est-à-dire de repartir des grandes synthèses qui sont aujourd'hui disponibles, celle de Latour, celle de Descola, celle de Viveros, pour aller vers de nouveaux problèmes. Alors le premier pas de cette réflexion consistera à montrer que le projet sociologique, dont l'anthropologie est l'héritière, s'accompagne de zones d'ombre. C'est-à-dire que comme toute entreprise intellectuelle, ce projet ne domine pas totalement les problèmes qu'il soulève et en fait apparaître de nouveaux. Ces zones d'ombre sont notamment liées au fait que la sociologie classique était une analyse de la modernité qui se pratiquait à l'intérieur de ses cadres et avec ses propres armes. C'est une opération de la modernité sur elle-même, ce qui pose le problème de la distance nécessaire à cette objectivation. L'autre angle mort du projet sociologique tient au fait que le projet d'objectivation du monde social est indissociable à mes yeux d'une ambition critique. Le statut d'une démarche normative, ancrée dans une description obéissant aux règles de la neutralité, fait problème, et c'est cette articulation que reprend l'anthropologie actuelle. À mon sens, le tournant ontologique tente aujourd'hui d'exploiter ces zones d'ombre et permet de faire avancer le projet classique de la sociologie dans de nouvelles directions. Dans un second temps, je reviendrai sur les différentes versions de ce projet, sur les difficultés qu'il soulève. Différentes versions, c'est celle de Viveros, dans l'ordre où d'apparition à l'écran, de Viveros, de Latour, enfin mon écran, pas historique, Latour et Descola. Alors, comme je viens de l'annoncer, il faut d'abord revenir au moment où le monde social était conquis par la raison, c'est-à-dire au moment où il a été autonomisé comme un nouvel objet scientifique. Cela s'est produit au terme d'un très long processus de maturation qui en France a commencé à l'époque d'Auguste Comte et du positivisme, donc au milieu du 19e siècle, et qui parvient à sa formulation, si vous voulez, définitive, ou en tout cas la première formulation scientifique chez Durkheim. Le social apparaît alors comme un lieu épistémique central pour un nouveau type de savoir qui se démarque de la philosophie. En effet, la question classique du rapport entre le sujet et la souveraineté, c'est-à-dire le problème classique de la philosophie politique, est suspendue par la sociologie, qui se développe dans l'interstice entre ces deux termes. La sociologie occupe l'espace intermédiaire entre le pur individu et le politique institué, si vous voulez, pour faire la science des mœurs, c'est-à-dire la science des formes d'attachement entre les personnes et entre les personnes et le monde. La suggestion proprement politique devient alors un aspect parmi d'autres dans la trame des rapports collectifs, et même un cas particulier du concept d'autorité, qui est cette fois pensé par la sociologie comme un concept historique et incorporé. De ce point de vue, la sociologie ne fait pas intervenir un nouvel objet, la sociologie n'invente pas le social ou la société, mais impose une nouvelle façon d'aborder les institutions classiques que sont par exemple le droit, la religion, ou l'État, ou la science. Ainsi, l'objet de la démarche sociologique est plus vaste que chacune de ces institutions, puisqu'il s'agit de la configuration de l'expérience collective qui s'y trouve investie. Alors l'apparition de la sociologie instaure également une nouvelle division du travail intellectuel. Elle absorbe en effet une partie des ambitions de la philosophie, mais aussi d'ailleurs latéralement de la psychologie, de l'histoire, même de la géographie en fait. En tout cas pour ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on rapporte avec la philosophie. Donc elle absorbe une partie des ambitions philosophiques en lui soustrayant ses objets classiques et en se plaçant en travers du chemin ordinaire pratiqué par les philosophes, qui est celui de l'analyse conceptuelle. La sociologie proclame donc non pas la fin de la philosophie, mais une certaine dépossession de son objet et la requalification de sa démarche. Puisque les philosophes n'accèdent jamais par leurs moyens propres à la matière sociale, la philosophie doit abandonner son rêve spéculatif et se soumettre aux leçons de l'observation, qui livre sous forme objective, sous forme historique et publique, la structure de l'expérience humaine. Mais en même temps qu'elle soustrait à la philosophie ses objets préférés, la sociologie lui en donne un nouveau, qui est l'irruption d'une nouvelle forme de savoir, celui de la sociologie, ainsi que les liens entre ce savoir et les transformations sociales du tournant des 19e et 20e siècles. Alors cette nouvelle forme de savoir que revendique la sociologie ne va pourtant pas de soi. Cette nouvelle discipline, d'abord, s'inscrit dans une histoire particulière qu'est l'aventure de la modernité. Ses fondateurs, on retient ici essentiellement Durkheim par commodité et par un raccourci, se montrent parfaitement conscients de cela et tentent généralement de faire de la modernité l'un de leurs objets privilégiés. Par exemple, chez Durkheim, c'est une ouvrage sur la division du travail social. On peut dire, plus largement, que l'essentiel de la sociologie classique se pose comme un diagnostic de l'événement moderne. Mais si la sociologie, pardon, s'est souvent conçue comme une analyse de la séquence moderne dans la trajectoire historique générale, elle est également et même le produit de l'avènement de la modernité. De nombreux auteurs et historiens ont montré l'importance de la Révolution française et de son héritage dans le renouvellement des attentes théoriques en Europe. L'invocation de la raison comme principe de gouvernement, la mise en avant du statut de citoyen, mais encore la libération des forces économiques, tout cela a inspiré la pensée sociale. Le rationalisme sociologique, dans ce sens-là, doit être compté parmi les effets de la Révolution française. La conséquence principale de cette conscience historique de la sociologie est toutefois que cette discipline est prise dans un cercle. Son objet, les nouvelles formes sociales des 19e et 20e siècles, se confond avec ses conditions de possibilité. Le contexte de la sociologie, c'est sa matière. Donc cette discipline endosse cette implication dans la modernité en manifestant un désir d'accomplissement, c'est-à-dire en voulant estomper ce qui reste d'inachevé, voire de pathologique dans la modernité. En fait, très, très souvent, projet politique de la sociologie, c'est réaliser la modernité, c'est dégager tout ce qui reste d'archaïque, si vous voulez, dans les sociétés industrielles, occidentales. La sociologie a donc un rapport dynamique au cercle à l'intérieur duquel elle se trouve prise, mais cela pèse néanmoins sur l'ambition universaliste qu'elle se donne. Elle affirme à la fois penser le social tout court, le social en général, et en même temps, elle assume son appartenance foncière à une séquence historique particulière. Les thèmes sociologiques majeurs, que sont le travail, l'individu, la morale, ou encore l'État, sont des éléments de représentation autochtones, locaux, si vous voulez, dont elle hérite. Et même si elle les redéfinit en partie, elle part avec, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler un métalangage ou une ontologie de base, qui est bien celle de l'histoire de la modernité, qui n'est pas neutre. Donc l'opération sociologique n'incarne pas une scientificité achevée et souveraine, une objectivité pure, si vous voulez. Elle s'accompagne de zones d'ombre, et c'est ces zones d'ombre que l'anthropologie d'un côté et la philosophie de l'autre exploitent. Alors, maintenant je vais passer à la façon dont l'anthropologie d'un côté exploite ces zones d'ombre, et ensuite viendra la philosophie. Alors, de son côté, l'anthropologie intervient dans le cercle réflexif qui définit la sociologie comme une discipline moderne. Elle effectue en effet une opération symétrique à celle de la sociologie, en prenant pour objet tout ce qui n'a pas suivi la trajectoire de la modernité. Les formes de la rationalité, de la parenté, ou plus largement les assemblages sociaux qui pouvaient être opposés aux nôtres, ont été réunis dans une sociologie de la prémodernité. C'est-à-dire l'anthropologie, c'est une sorte de sociologie de la prémodernité. Dans ce sens-là, l'anthropologie faisait, dans un premier temps, faisait fond sur un ensemble d'intuitions un peu vagues au sujet de ce qu'on appelait à l'époque les primitifs, et ces intuitions n'auraient jamais été converties dans un domaine d'enquête structuré, rationalisé si vous voulez, sans une référence directe au projet empiriste des sociologues. Ce projet a en effet contribué à définir la méthode d'enquête de l'anthropologie, qui reste aujourd'hui la sienne, en rapport de continuité avec celle des sociologues. Mais surtout, l'appel implicite lancé par la sociologie à une clarification de ce qu'est la condition de moderne a fourni à l'anthropologie un problème fondamental qui, à mon avis, alimente toujours sa réflexion. Autrement dit, la situation de blocage dans laquelle se trouve la sociologie, se trouvait la sociologie, enfin elle y est encore, mais a joué un rôle de catalyseur pour l'accession de l'anthropologie à la maturité théorique. L'angle mort de la sociologie, consistant à penser la modernité en moderne, laissait la place à un contrepoint radical, qui est un éclairage à distance, latéral, qui passerait par une analyse comparative où la spécificité moderne apparaîtrait comme une variante par rapport à d'autres formes d'expérience collective. C'est par ce biais que le comparatisme devient une démarche explicite, la démarche dominante, la démarche scientifique dominante de l'anthropologie, et qui va permettre un décollement progressif entre ce que j'ai appelé tout à l'heure le métalangage autochtone de la sociologie et des catégories nouvelles que l'anthropologie a parfois empruntées à d'autres univers culturels ou qu'elle a façonnées à travers l'observation des différences culturelles. Ce nouveau vocabulaire théorique, parallèle à celui de la sociologie, fonctionne comme un déplacement et une critique de ce dernier. Par exemple, le vieux concept de famille est retraduit sous la forme du concept de parenté. Les concepts de contrat et d'échange marchand sont saisis comme des formes particulières du don, chez Mauss par exemple. La raison, chez Lévi-Strauss, est redéfinie à la lumière des opérations génériques de classification. L'expérience sociale proposée par l'anthropologie doit ainsi se comprendre comme une mise à l'épreuve de la réflexivité moderne qu'est la sociologie. L'anthropologie a ainsi joué le rôle de laboratoire où étaient expérimentées des catégories nouvelles, dont le rôle n'était pas seulement de permettre de bonnes descriptions des sociétés étrangères, mais aussi, et surtout, à mon sens, de mesurer l'écart entre ces sociétés et la représentation savante que nous avions de nous-mêmes, via la sociologie. Il faut donc voir dans l'anthropologie une entreprise de contextualisation de la sociologie. Et au terme de ce processus, l'ambition de reconstruire les catégories du savoir sur une base empirique se réalise hors du cercle moderniste. Mais naturellement, tout comme en sociologie, ce mouvement critique de l'anthropologie à l'égard de la sociologie ne peut pas incarner une objectivation idéale. Les catégories anthropologiques, à leur tour, sont elles-mêmes revisitées et critiquées au sein d'une tradition autocritique, si vous voulez, qui mène sa propre critique. Il y a un texte, un texte de Lévi-Strauss où ce point est très bien illustré, c'est l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, où Lévi-Strauss écrit que toute l'histoire de l'anthropologie est gouvernée par la tentative de projeter sur les objets d'enquête, je cite, des fractions toujours décroissantes de soi. Le sujet épistémique, dit Lévi-Strauss, est directement mis à l'épreuve par ces objets, en l'occurrence pour lui l'Amazonie, qu'il conduise en même temps à reconnaître ce qu'il y a en lui de singularité culturelle et de traiter ces objets à l'écart de ses biais, qui sont subjectifs et culturels en même temps. Donc cette transformation de soi qui est induite par l'anthropologie correspond à une dynamique épistémologique et politique à la fois, au cours de laquelle la discipline peut s'approcher d'une saisie plus radicale, plus fidèle si vous voulez, de l'altérité, de l'autre culturel. Alors maintenant de son côté, la philosophie, comme je disais tout à l'heure, a aussi exploité les angles morts de la sociologie, mais dans une direction à mon avis assez différente de l'anthropologie. Pour la philosophie, le problème n'est pas tant la contradiction apparente entre d'une objectivation de soi par soi, le problème c'est plutôt l'idée d'un destin linéaire et irréversible de la modernité que les sciences sociales devraient accompagner et réaliser. La philosophie vise donc à infléchir le processus de modernisation plutôt qu'à l'accomplir, à rediriger l'histoire, si vous voulez, plutôt qu'à l'actualiser. Au fond, les philosophes se sont attelés à mettre en question le grand récit d'un tournant historique modernisateur dont nous serions les héritiers et qui serait de cette manière inéluctable. Alors, cette stratégie de mise à distance par rapport à la modernité s'est formulée de plusieurs façons. Par exemple, la formulation la plus connue, c'est peut dire qui est la plus enseignée en philosophie, c'est celle qui consiste à tirer profit de l'écart qui s'est creusé entre le monde social objectivé, dont parle la sociologie, le monde des contraintes structurelles, des pesanteurs historiques, des rigidités institutionnelles. Pour faire face à ce monde-là, l'expérience d'un sujet, comme dirait Sartre, jeté dans le monde. Cette critique, qui est celle en fait de la phénoménologie, de l'existentialisme, et d'autres courants, d'une certaine manière aussi de la psychanalyse, cette critique se loge ainsi dans l'espace créé par les sciences sociales, qui fait apparaître l'expérience vécue comme un domaine de signification qui se déploie à la fois au-delà et en deçà de la règle sociale. la règle sociale elle-même ne pouvant que trahir cette expérience subjective. La vocation d'une sphère autonome de conscience permettrait, de la part des auteurs qui se réclament de ce geste critique, de faire céder l'appartenance à une matière socio-historique jugée réductrice et monolithique. Alors, une autre voie de la critique philosophique, plus intéressante à mon avis, et qu'emblématise bien l'œuvre de Michel Foucault, s'est dégagée un peu plus tard. Cécine se définit plus contre les sciences sociales, mais dans une sorte de réaction à leurs opérations. Cette deuxième voie critique philosophique consiste à faire apparaître les fausses promesses, bon, les impasses qui sont immanentes aux idéaux modernes, et cela, non pas à partir d'un refus de la raison sociologique, mais à partir de l'étude des conditions de formation et des conditions de mise en application des idéaux propres à la modernité, les attentes politiques, si vous voulez, qu'a fait naître la modernité. Alors, à partir d'une analyse des moyens de réalisation de ces idéaux, c'est-à-dire de ce qu'avec Foucault on pourrait appeler des technologies politiques, la philosophie a fait ressortir les contreparties immédiates aux idéaux politiques de la modernité. C'est ce qui, dans l'œuvre de Foucault, s'illustre par l'étude des dispositifs d'enfermement, puis par l'étude des formes de gouvernementalité et du biopouvoir. Ce sont là autant de savoir-faire politiques consubstantiels à l'ère moderne et qui avaient pourtant largement échappé à la prise sociologique et à son optimisme foncier. Foucault suit ainsi le fil des rapports entre le sujet et le pouvoir, donc il reprend le vieux problème de la philosophie politique, si vous voulez, par-dessus la sociologie. Mais ces rapports entre le sujet et le pouvoir sont, selon lui, de moins en moins réductibles à la question de la souveraineté politique et de plus en plus liés à des techniques de micro-gouvernement qui apparaissent dans le sillage des idéaux de providence et de sécurité, qui pour lui sont peut-être les deux piliers de la politique moderne. En reprenant et en développant ces réflexions en direction d'autres domaines du monde social, je pense qu'on peut faire l'hypothèse que ces contreparties de la modernité, ou ces fausses promesses de la modernité, affectent également, non pas seulement nos rapports politiques, mais aussi nos rapports au monde, tel qu'il a été configuré au XIXe et XXe siècle. Parallèlement à la transformation du sens du politique que décrit Foucault, se profilerait alors une transformation des façons de se rapporter au monde, et la critique serait, dès lors, d'ordre proprement ontologique ou, si vous voulez, cosmologique. C'est-à-dire que le dérapage de la modernité ne concernerait pas seulement les rapports entre le sujet et le pouvoir, mais aurait une seconde dimension qui affecte les coordonnées de l'expérience en général, les modes d'accès au monde. Le point central ici, c'est que notre dynamique historique n'est plus enfermée dans un programme à réaliser, la séquence moderne se referme, et ce qu'il faut revisiter, c'est le contrat ontologique et politique qui avait été noué au début, à l'origine de la modernité. Alors, à partir de cette caractérisation parallèle de la réaction de la philosophie et de l'anthropologie au projet sociologique, on peut conclure que ces deux disciplines étaient vouées à se rencontrer à mi-chemin, car l'une comme l'autre ont affaire avec un projet d'altération de la modernité, de renégociation de la modernité, si vous voulez. La première, l'anthropologie, se confronte à ce problème de l'intérieur des sciences sociales, la seconde, de l'extérieur. Du côté de l'anthropologie, c'est le passage par l'altérité qui donne de la profondeur au nous sociologique. L'appartenance moderne a fonctionné comme une condition sociale, comme un outil épistémologique et comme une forme d'énonciation. Et l'anthropologie a tenté de déplier ces trois dimensions pour faire entrer la science sociale dans une dynamique plus réflexive. La philosophie, de son côté, a cherché à observer et inspirer une altération de la séquence moderne elle-même à travers le constat de l'impossibilité de son actualisation sous sa forme idéale. Ces deux modalités de la critique sont parvenues aujourd'hui au point où l'autre anthropologique peut fournir la référence susceptible de définir l'autre philosophique. Et c'est à mon avis ce qui se passe avec le tournant ontologique et métaphysique. Et c'est ce que maintenant je vais étudier de l'intérieur en discutant les trois formulations théoriques principales de ce courant. Alors, l'enjeu central de ce supposé tournant, qui en fait, d'après moi, n'est pas un tournant mais une ligne droite, puisque c'est, si vous voulez, l'histoire de l'anthropologie dans sa version la plus classique et la plus légitime. En tout cas, l'enjeu central de tout cela, c'est l'ambition d'éviter le double standard dans la description de l'autre. Alors, éviter le double standard, c'est pas seulement, si vous voulez, répondre à un souci de véracité ou de fidélité à l'objet d'analyse, c'est aussi se conserver la possibilité d'un retour réflexif fiable sur la condition de moderne, notre condition sociale. Traiter les autres comme on se traite nous-mêmes, ça que veut dire éviter le double standard. Se traiter les autres comme on se traite nous-mêmes. Obéir à un principe de symétrie radicale, pour le dire dans les termes de Latour. C'est alors approfondir la méthode comparative en reconnaissant que ce processus n'est pas à sens unique. L'image de l'autre doit en ressortir transformée en même temps que celle que l'on a de nous-mêmes. C'est, je pense, ce que dit très bien Viveros dans les premières pages des Métaphysiques cannibales et d'ailleurs dans de très nombreux autres textes. Il décrit très bien la tendance de l'anthropologie classique, enfin l'anthropologie avant lui si vous voulez, à concevoir les cultures étrangères comme des élaborations superficielles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faudrait renvoyer ces cultures étrangères à des ordres de contraintes extrinsèques, une contrainte fonctionnelle, une contrainte symbolique, une contrainte métaphorique ou cognitive. De ce point de vue, la différence entre la culture, le vieux concept de culture, et le nouveau concept d'ontologie ou de métaphysique se creuse sur ce refus du double standard. Parler d'ontologie, cela permet de se défaire de l'idée selon laquelle les cultures sont des croyances. Et cela correspond au fond à un retour à une conception réaliste de l'anthropologie. Ce qu'il y a de radical dans la perspective ontologique ou métaphysique, c'est qu'elle réduit à néant le présupposé de l'anthropologie classique, voulant que, par exemple, lorsque les Nuers, un peuple de la haute vallée du Nil, disent que les jumeaux sont des oiseaux, nous savons déjà de quoi ils parlent à travers ces termes, et donc nous savons déjà qu'ils se trompent, puisque manifestement, les jumeaux ne sont pas des oiseaux. Il faut parler d'un retour à une position réaliste, parce qu'il y a là quelque chose d'assez intuitif, c'est-à-dire l'idée qu'il faut prendre au sérieux les contenus de pensée situés en position d'objet, qui ne sont pas réductibles à de simples arrangements symboliques avec la réalité. Autrement dit, quand les Nuers disent que les jumeaux sont des oiseaux, c'est qu'ils n'ont pas le même concept de jumeaux, et pas le même concept d'oiseaux, et d'ailleurs probablement pas non plus le même concept de relation d'attribution entre les deux. Les pensées indigènes, de ce point de vue, saisissent le réel de façon originale, d'une façon qu'il est impossible de déduire sans en faire l'expérience et sans laisser derrière elle une sorte de réalité en soi qui serait invariable mais inconnue. La pensée sauvage implique des usages du monde absolument originaux. Elle établit un couplage entre la pensée et la réalité qui interdit d'établir la coupure transcendantale classique et typique de la philosophie moderne. Alors, d'un point de vue philosophique, ce réalisme anthropologique est au fond une critique des impasses du constructivisme. Ces impasses avaient été entrevues il y a assez longtemps, par exemple par un élève de Durkheim qui s'appelle Marcel Granec, un spécialiste de la Chine ancienne. Je prends volontairement un exemple bien plus vieux que Viveros pour montrer que c'est des problèmes qui animent l'anthropologie depuis assez longtemps. Granet était très méfiant à l'égard de l'idée qui consistait à réduire, si vous voulez, les pensées étrangères, et dans son cas la pensée chinoise ancienne, hein, à des pensées incomplètes ou des pensées métaphoriques. Marcel Granet voyait bien que les catégories chinoises ne pouvaient pas être que des figurations imagées de la réalité. Selon lui, ces catégories organisent véritablement l'expérience, elles subissent l'épreuve de la réalité, dans le sens où elles permettent de s'en saisir et de régir la coexistence des hommes entre eux et avec le monde. Ces catégories sont peut-être contingentes, mais elles n'en sont pas moins nécessaires en leur genre. Ces catégories ne peuvent pas être conçues en termes de croyances, car elles sont dépositaires d'une vérité qui ne se définit pas classiquement, comme on dit en philosophie, comme l'accord entre la pensée et la chose, mais plutôt comme une durabilité des motifs de l'action que fournissent ces catégories. Cette pensée fonctionne, pour le dire tout simplement, elle rencontre le réel et garantit l'intégration des actions collectives dans le monde. De ce point de vue, il y a bien un engagement ontologique qui est garanti par la pensée chinoise, qui est de même calibre que l'engagement ontologique perçu, enfin, rendu possible par les catégories de la raison moderne, la raison scientifique, la raison politique, puisqu'elles assurent un lien entre le monde social et le monde extérieur, si vous voulez. Et ces catégories nous contraignent. Enfin, contraignent les Chinois anciens qui vivaient selon elles. Alors chez Viveros, l'effort de symétrie destiné à écarter le double standard prend la forme d'une relance et d'un dépassement de cette critique du constructivisme. Le réalisme ontologique ou métaphysique qu'il propose comme réponse aux impasses constructivistes et culturalistes se déploie dans un second temps à travers ce qu'il appelle le perspectivisme. perspectivisme est, comme je le dis, le dernier pas de la critique anthropologique des concepts, qui consiste à affirmer que, si l'on postule que les énoncés et les formes de vie non modernes sont complets, sont, comme je disais tout de suite, de même calibre que les énoncés et formes de vie modernes, c'est-à-dire que s'ils sont autonomes et s'ils n'attendent pas notre interprétation de moderne pour prendre sens, alors il faut admettre que la pensée sauvage peut aussi prendre en charge efficacement le rapport à l'autre. C'est-à-dire ce que fait la science, en fait. L'exigence de symétrie, chez Villeros, devient alors une revendication de réciprocité. Les ontologies non modernes ne sont pas seulement des façons de composer le monde qui sont juxtaposées les unes à côté des autres et qui seraient exclusivement recueillies par l'opération d'un anthropologue occidental, d'un anthropologue blanc. Ce sont elles aussi des façons de prendre un point de vue et de se situer au sein d'autres points de vue, y compris le nôtre. Ce n'est qu'à cette condition qu'on peut considérer les ontologies non modernes comme des opérations intellectuelles complètes, équivalentes aux nôtres. Et donc, c'est à cette condition qu'on peut parler, comme il le fait, d'autodétermination ontologique des sociétés non modernes. Ces pensées, pensées sauvages ou non modernes, comme vous voulez, nous pensent en même temps que nous les pensons, et ce renvoi mutuel des uns vers les autres permet d'achever la critique d'une modernité qui voulait, si vous voulez, qui voulait voir les autres sans être vue elle-même. C'est aussi à cette condition que ces pensées sortent de leur condition de satellite par rapport à nos propres attentes théoriques. Pour Villeros de Castro, le concept central d'altérité en ressort transformé, puisque ceux qui étaient ordinairement en position d'autres, les Amazoniens dans son cas, sont à chaque fois capables de nous renvoyer, nous-mêmes, à cette altérité, et cela à leur manière. Le principe de réciprocité des points de vue correspond alors à une relance du projet comparatif, qui n'est plus orchestré par le point de vue souverain que se donnait l'anthropologue, mais qui prend la forme d'une recherche de commensurabilité entre les différentes perspectives rencontrées dans le monde. Donc si le vocabulaire des ontologies ou de la métaphysique doit s'entendre dans ce sens-là pour être à la fois conséquent et radical, je pense qu'il faut aussi considérer le genre de défi empirique et théorique que cela représente, notamment pour la philosophie. Car une fois formulée cette exigence, on se confronte très vite au problème de savoir comment on peut décrire l'homogénéité des pensées modernes et des pensées non modernes. Comment au fond ce principe de traductibilité réciproque des points de vue des opérations de pensée peut être converti en un programme de recherche qui ne se limite pas à la description des situations concrètes de confrontation et qui ne se limite pas non plus d'ailleurs à des énoncés philosophiques un peu magistraux. Les anthropologues ont parfois formulé ce principe de symétrie sous la forme d'une analogie consistant à dire que les savoirs non modernes sont similaires aux nôtres dans la mesure où ils prennent en charge le répertoire des grandes questions comme le statut de l'être ou le statut de la personne. Au fond, ça reviendrait à considérer les non-modernes comme des Monsieur Jourdain qui font de la philosophie sans le savoir. Et nous, philosophes occidentaux, serions disposés à examiner si cette philosophie est bonne ou non, à partir des éléments de notre propre tradition que l'on reconnaîtrait dans cette pensée-là. Ce que je suis en train d'écrire, c'est la mauvaise lecture de Villeros. Car formuler les choses de cette façon, c'est revenir à l'idée selon laquelle l'ontologie est ce qu'il y a de plus profond dans la culture, et que l'anthropologie rejoindrait la philosophie, si vous voulez, par ses parties nobles. Alors qu'en fait, c'est le contraire. Je pense qu'il faut donner une description inverse du travail de mise en continuité suscité par la réflexion de Villeros. Ce sont les formes d'engagement ontologique dégagées par l'anthropologie qui doivent fournir une mise à l'épreuve décisive, provoquant une réévaluation de la philosophie savante occidentale, de notre philosophie, qui sera alors redéfinie comme une forme de savoir vernaculaire. Locale ou autochtone, si vous voulez. La référence est alors fournie, la référence, si vous voulez, le critère de jugement, la mise à l'épreuve, est fournie par des ontologies qui sont réalisées en pensée et en pratique, en Amazonie ou ailleurs, et les versions réflexives de la tradition savante occidentale doivent être prises en compte comme telles, c'est-à-dire comme des variations à partir d'une forme d'engagement ontologique naturel ou spontané que l'anthropologie des modernes doit décrire. Ce test s'impose, non pas parce que les sauvages incarnent une pensée directe ou plus authentique, si vous voulez, mais parce que l'anthropologie ne décrit jamais la pensée à part des formes d'engagement pratique auxquelles elle est liée. C'est ça la grande leçon de l'anthropologie pour la philosophie. À travers cette inversion du critère de jugement, On se met en situation de renouer avec l'ambition sociologique classique et sa relance anthropologique, car ce sont désormais les sciences sociales qui prélèvent la trame de l'expérience collective, et c'est à elles de donner le ton d'une mise en continuité des pensées, qui se conduit sous le nom de métaphysique comparée ou d'anthropologie, ou peu importe. Donc ce qui est en jeu avec la pensée de Viveiros, si vous voulez, c'est la position relative de la philosophie et de l'anthropologie. La philosophie, au terme de l'opération qu'il propose, enfin, si on va au bout de l'opération qu'il propose, la philosophie n'est plus qu'une expérience intellectuelle singulière au sein des possibilités fournies dans un contexte historique et social donné, possibilités qui lui sont souvent invisibles sans le secours de l'anthropologie comparative. Et ce qui ressort transformé de cette confrontation, c'est au fond l'idée qu'on se fait de la pratique philosophique comme pratique sociale, c'est-à-dire comme un engagement ontologique de second ordre, un engagement ontologique réflexif, de niveau 2, d'étage supérieur. Comme telle, cette pratique sociale qu'est la philosophie, et c'est là à mon avis qu'on peut introduire une limite au travail de Viveiros, ne peut pas être véritablement analogue à une pratique indigène, tout simplement parce que la division des tâches intellectuelles que l'on connaît dans l'Occident moderne ne se retrouve pas forcément ailleurs, et surtout pas en Amazonie. Ce qui ailleurs est pris en charge au sein de, par exemple, de rituels ou de récits mythiques, ou par exemple à travers ce que Philippe d'Escola décrit comme des champs de chasse chez les Achuars, toutes ces pratiques-là peuvent, ici, quand je dis ici, c'est dans les universités par exemple, faire l'objet d'un discours spécialisé, d'un discours savant. La production et la circulation des énoncés ontogénétiques, si vous voulez, l'économie de la production des repères cosmologiques, se fait selon les régions du monde, sous des formes sociales complètement différentes. Et je pense qu'on ne peut mesurer l'intérêt des métaphysiques cannibales que si l'on a ce reparamétrage sociologique de la production de la réflexivité en tête. Il est donc nécessaire de revenir à l'histoire au cours de laquelle, par exemple, les universités ont été fondées, et avec elles, la possibilité d'entretenir un rapport professionnel à la vérité qui n'existe pas partout dans le monde. Car s'il y a bien une chose qui est à redire à la philosophie occidentale que nous connaissons, c'est bien cette position d'un rapport professionnel à la vérité, qui est une position dans l'économie générale de la réflexivité qu'on ne trouve pas partout. Ce qui ne veut pas dire que les autres sociétés qui ne sont pas équipées d'université ne produisent pas de réflexivité. Elles le font autrement. Bon. Alors, maintenant, je passe au deuxième point, en fait, là, ma discussion du travail de Latour, qui est axée, en fait, sur le statut de la critique dans l'anthropologie de la modernité. Alors, à mon avis, l'un des intérêts principaux de la pensée et de la sociologie de Latour, c'est de montrer qu'une entreprise qui se qualifierait d'anthropologie de la modernité, ne peut être qu'une entreprise critique. C'est-à-dire que l'opération même consistant à identifier un peuple moderne, cette opération est critique d'emblée. Alors de ce point de vue, l'anthropologie des modernes n'est pas tout à fait homogène à celle que l'on mène chez les autres sociétés, celles qui ne sont pas nos sociétés, qui en général échappent, ou en tout cas dans un premier temps, échappent à l'attitude critique. Donc, ce qui est pour nous un impératif, une sorte d'inhibition dans le rapport à l'autre. Cette asymétrie, si vous voulez, s'explique par le fait que le travail sur soi exige une forme spécifique d'implication dans notre propre condition. Cette implication consiste à porter notre appartenance socio-historique à un point où elle devient ambivalente. Il y a bien un événement anthropologique ou quelque chose de nouveau qui apparaît et qui est tel qui nous rassemble dans un nous historique, mais cet événement ne se comprend que sur un mode fondamentalement problématique qui justifie ce rapport critique. En ce sens, le dispositif développé par Latour est assez fidèle au projet sociologique classique. On refuse d'avancer des valeurs abstraites au regard desquelles l'ordre social doit convenir, pour regarder si celui-ci est ajusté à sa propre définition. En ces conditions, les leviers de la critique ne résident plus dans un effort intellectuel souverain, mais dans la description du social lui-même, et des attentes qui lui sont immanentes, sans pour autant qu'elles ne soient pleinement réalisées. Par exemple, la structure d'ensemble de l'ouvrage « Nous n'avons jamais été modernes » répond à cette caractéristique. C'est la redescription de ce qu'il appelle la constitution moderne, dans des termes autant que possible extérieurs à sa version officielle, qui produit un horizon critique, à savoir, pour le dire dans son langage, rendre représentables les hybrides, qui étaient sortis du radar intellectuel moderne. Ce faisant, on se débarrasse de l'antimodernisme classique, celui de la phénoménologie ou d'Heidegger par exemple, qui reposait sur une critique de l'objectivation du monde comme un geste intellectuel inauthentique en soi, pour aller vers une analyse du modernisme comme un geste social incomplet ou entravé. Un demi-geste social, si vous voulez. Mais cette démarche soulève naturellement une question. La question, c'est qu'est-ce qui nous autorise à voir dans le modernisme quelque chose d'incomplet ? Je pense qu'il faut souligner le fait que dans la pensée de Latour, la réponse à cette question reste ambivalente et la nature des attentes qui soutiennent la critique demeure masquée. En fait, il y a bien une chose qu'on ne sait jamais quand on lit Latour, pourquoi il faut être symétrique ? Pourquoi l'égalité de traitement ? Et en particulier, je pense qu'il y a une incertitude sur le point suivant. Au fond, est-ce que le réajustement à produire tend à réaliser le projet moderne véritable, sous sa forme, forme des lumières classiques, ou est-ce qu'il le redéfinit en profondeur, en fonction d'événements intervenus entre-temps ? Alors, dans la sociologie des sciences, au fond, dans le travail de Latour des années 70 jusqu'aux années 90, le problème du double standard est pris en charge, mais sous une forme inversée par rapport à celle que l'on trouve chez Viveiros. Dans la sociologie des sciences, pour Latour, on a bien parlé des non-modernes, parce qu'en ne préjugeant pas trop de leur forme de vie, on a pu produire des descriptions qui suivaient librement les associations réelles, et notamment les associations qui articulent nature et société. Par contre, nous avons mal parlé de nous-mêmes, parce que dans notre discours se mêlent les leçons de l'observation, et ce que l'on croit connaître de nous-mêmes, ou si vous voulez, une représentation de nous-mêmes qui se voudrait performative, mais qui ne l'est pas totalement. C'est pour cette raison que dans l'anthropologie des modernes que propose Latour, la critique prend d'abord la forme de la redescription, c'est-à-dire d'une mise en récit destinée à dissoudre les fausses transcendances, notamment la fausse transcendance que sont le concept de social et le concept de nature. De ce point de vue, l'un des concepts centraux de sa pensée, est-ce que l'enquête sur les modes d'existence, son dernier ouvrage, nomme « erreur de catégorie ». Cette expression d'erreur de catégorie rend manifeste le problème suivant. En quoi exactement la réflexivité moderne est défaillante ? Quels obstacles rencontre-t-elle ? Si vous voulez, pourquoi n'a-t-elle pas su lire la modernité elle-même, qui est son objet ? C'est aussi cette notion d'erreur de catégorie qui explique le passage d'une démarche descriptive à une démarche typologique. En effet, l'identification des erreurs de catégorie permet de systématiser la redescription sociologique auparavant menée sous l'égide des concepts de réseau et d'acteur, et va désormais de pair avec un déplacement systématique des catégories dominantes de la réflexivité moderne. Donc si vous voulez, dans le dernier ouvrage de Latour, se superposent deux séries de catégories, une explicite, c'est celle qui est à la fin du livre dans le tableau, l'autre implicite, mais où on reconnaît bien la grammaire philosophique traditionnelle, en fait le programme de philosophie terminale. Donc ce qu'il appelle reproduction, ça reprend et corrige ce qu'on pourrait appeler substance ou matière. Référence reprend et corrige connaissance ou science. Métamorphose reprend esprit, etc. D'autres catégories comme politique, droit ou religion conservent des termes classiques, des termes reconnus, mais en modifiant leur contenu. Et d'autres termes classiques sont recomposés, explosent de l'intérieur. Par exemple, l'économie est scindée en trois. Attachement, organisation, moralité. Mais en tout cas, tous ces concepts, tous ces modes d'existence, fonctionnent au-delà du domaine qui leur est classiquement attaché. Par exemple, on peut parler de la science sous l'aspect du droit. Par exemple, s'il s'agit de déposer un brevet. Donc les modes d'existence latouriens ne sont pas des domaines de la vie sociale. Ce sont des régimes de description, des modes de chaînage des êtres. Alors l'intérêt de cette seconde série conceptuelle, la nouvelle, la bonne, enfin la bonne pour Latour, c'est qu'elle permet de nous décrire nous-mêmes comme si nous étions des autres. C'est en ça que c'est de l'anthropologie. C'est-à-dire sans les erreurs de catégorie liées à l'implication de la pensée dans son objet. Cependant, le point d'extériorité qui est nécessaire à cette opération de décollement n'est jamais explicité dans l'œuvre de Latour, et en tout cas, il n'est pas fourni par la voie classique de l'anthropologie qui est le comparatisme. Latour plonge dans la modernité pour la corriger, il n'en sort pas. C'est la raison pour laquelle il faut se demander comment cette série corrective apparaît. Alors à mon avis, dans son état actuel, puisqu'il est voué à en connaître d'autres, dans son état actuel, l'ouvrage présente deux possibilités de comprendre ce décollement entre deux régimes catégoriels, l'un marqué par les erreurs de catégorie et l'autre marqué par leur correction. Donc il y a deux façons de lire le livre. Alors la première façon de lire le livre, en fait c'est la façon, je vais l'expliquer rapidement, mais c'est l'article qu'a écrit Patrice Madiglier sur l'enquête, mais bon, je reprends rapidement. Cette première façon de lire la tour consiste à dire que l'accumulation de l'expérience ethnographique, l'observation des épreuves sociales, de leurs félicités et de leurs infélicités, a fait progressivement émerger chez Latour une position ontologique, au sens absolument classique du terme, métaphysique, peu importe. C'est-à-dire un engagement direct concernant, si vous voulez, l'ameublement du monde, un régime discursif similaire à ce qui se pratique en métaphysique depuis très longtemps. Le fait que la différence culturelle n'apparaisse pas dans la démarche de l'enquête sur les modes d'existence plaide pour cette solution d'un modèle ontologique normatif, tous les deux, d'un nouvel aristotélisme ou quelque chose de cet ordre-là. Car la confrontation orchestrée ne met pas en scène deux versions homogènes de l'exigence consistant à prendre place dans le monde, mais deux versions asymétriques, l'une de bon aloi, gagée sur la réalité, l'autre non. Cette position métaphysique émergerait par distillation d'une longue expérience de terrain, c'est-à-dire par une série de dérivations à partir de formes d'engagement pratique observées. Toutefois, elle en resterait à l'idée que l'aboutissement de la démarche de pensée correspond aussi à sa clôture, c'est-à-dire qu'au terme de l'ouvrage, la grammaire des descriptions est réinscrite dans le marbre de la science sociale et morale, et un même métalangage règne, les 14 catégories, règne potentiellement sur toutes les descriptions à produire à l'avenir. Cette lecture de l'enquête est possible. Si vous voulez, en fait, la lecture, c'est comme si c'est-à-dire une sociologie est tellement bien faite que c'est de la métaphysique. Donc cette lecture de l'enquête est possible, mais il y a des raisons de penser qu'elle n'est pas la plus productive, et notamment parce que dans ces conditions, je pense qu'on perd la spécificité du rapport entre le geste ontologique et le geste critique que je cherchais justement à établir. C'est-à-dire une altération de la modernité à partir de l'analyse de ses propriétés historiques et non d'un discours susceptible d'être décontextualisé. C'est pour ça qu'il y a, à mon avis, une seconde manière de lire l'ouvrage, une seconde manière de répondre au problème de l'apparition d'une nouvelle grammaire de la pensée. Cette seconde lecture est, disons, moins charitable pour Latour, puisqu'elle ne le glorifie pas en nouveau métaphysicien, mais qu'elle le pose en sociologue problématique, ou en anthropologue problématique. J'explique cette deuxième lecture. Elle consiste à voir dans l'enquête une réflexion sur une position d'extériorité nous permettant de faire un bilan du modernisme à distance. Loin de la thèse métaphysique naïve, l'ouvrage livrerait les raisons de notre attachement ambivalent à la modernité en montrant pourquoi nous sommes désormais capables de démêler les injonctions contradictoires qu'il renferme. En somme, l'ouvrage rendrait compte d'un nouveau point de vue qu'il cherche à défendre et serait en quelque sorte perspectiviste. L'ouverture de l'enquête indique cette voie car elle opère une opposition cruciale, à mon avis, entre ce qu'il appelle modernisé et écologisé, et affirme qu'entre l'un et l'autre, il faut choisir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de vouloir moderniser et commencer à faire quelque chose d'un peu énigmatique qu'il appelle écologiser. On comprend bien que le choix doit se faire entre une trajectoire rectiligne, qui actualiserait le projet jusqu'alors entravé de la modernité, et une trajectoire infléchie, par ce qu'il appelle l'événement de Gaïa ou de l'Anthropocène, en fait le bouleversement climatique, qui change complètement la donne et qui bouleverse les attentes morales, politiques, sociologiques actuelles. Écologiser dans ces conditions, cela veut dire qu'on se donne un langage où la nature est vraiment politique, non pas parce que c'était la signification du modernisme depuis le début, comme il le disait dans « Nous n'avons jamais été modernes », mais parce que les circonstances nous ont contraints à l'admettre. Donc dans « Nous n'avons jamais été modernes », la tâche consistait à déconstruire le récit moderne, mais sans qu'il ne soit question d'envisager son destin actuel comme un infléchissement. Aujourd'hui, dans ce nouvel ouvrage, la distinction entre modernisé et écologisé permet de mieux comprendre ce qui s'est passé entre l'apparition des modernes, disons pour lui au XVIIe siècle, et le nouveau point de vue que l'on adopte aujourd'hui sur cette expérience historique. Autrement dit, ça permet de voir que l'opération critique tient à un bouleversement des formes d'engagement demandées par les circonstances historiques. En fait, l'enquête répond à la crise environnementale, alors que nous n'avons jamais été modernes, n'y répondait pas. C'était un prétexte, mais n'y répondait pas. Cette seconde lecture, à mon sens, est plus prometteuse, et elle conduit à admettre que l'intuition centrale de la pensée de Latour est rétrospective. S'il nous apparaît aujourd'hui que nous n'avons jamais été modernes, c'est en fait parce que nous ne le sommes déjà plus complètement et qu'il est possible de prendre nos distances avec ce projet. Les conditions sociopolitiques dans lesquelles nous accédons aujourd'hui au monde ont été à ce point bouleversées que nous ne nous reconnaissons plus dans les formes idéales typiques de la modernité, qui tenaient à part le social en soi et les procédures par lesquelles il accède au monde. La modernité a bien existé, puisque nous pouvons la critiquer pour les effets qu'elle a provoqués. Ces effets, c'est la crise écologique. Et c'est seulement de ce nouveau point de vue apparu avec le tournant écologique qu'elle devient illusoire, mais rétrospectivement. Ainsi, lorsqu'on décrit les 17e et 18e siècles comme il le faisait dans Nous n'avons jamais été modernes, on réalise en fait une opération qui est analogue à ce que fait un anthropologue quand il décrit le totémisme par contraste avec la science moderne, ou la chefferie indienne par rapport... Je réfléchis en même temps comment je peux caser le reste en 5 minutes. Je peux laisser passer en fait ce paragraphe, puisque l'essentiel, je l'ai déjà dit. Juste, je conclue sur Latour en disant que l'ontologie de l'enquête, c'est l'ontologie d'un monde à venir, pas l'ontologie d'un monde passé, mais d'un, comme tous les mondes à venir, un monde qui est seulement virtuel. Et professer cette ontologie est une opération essentiellement performative, en tout cas qui se voudrait performative, fondée sur la nécessité de répercuter des transformations historiques, écologiques en fait, sur les formes du savoir. Cette ontologie doit s'accompagner d'une explication historique et philosophique concernant les raisons qui ont fait apparaître ce point de vue d'extériorité, c'est-à-dire, et ça il ne le fait pas, expliciter le point d'infléchissement qui produit une nouvelle structure des attentes collectives après la modernité. En fait, pour le dire rapidement, et ce que je reproche à Latour, c'est de fonder toute sa lecture anthropologique de la modernité sur un infléchissement qui est celui de la crise environnementale, mais en fait de ne jamais expliquer en quoi la crise environnementale est un infléchissement. Dire il y a un avant et un après, mais ce qu'on veut savoir, c'est la cassure, c'est l'infléchissement. Et sans la lecture anthropologique de l'infléchissement, le reste n'a, il n'a aucun titre à dire au fond qu'on est dans des erreurs de catégorie. Aucun titre. J'exagère. En tout cas, ça limite la portée de la nouvelle métaphysique. Bon. Alors, toutes ces questions conduisent à la dernière, en fait, qui est celle du concept de pratique comme repère central dans le tournant ontologique. Ça tombe bien, puisque c'est le titre du séminaire. Je n'ai pas fait exprès, j'avais écrit le texte avant. Alors, si on définit le concept d'ontologie en anthropologie comme la forme des engagements collectifs dans le monde et avec autrui, alors une ontologie, ça ne collecte pas, ça ne capte pas seulement des idées, mais aussi et surtout des manières d'agir. Et si de l'autre côté, la modernité est derrière nous, s'il s'agit d'écologiser et plus de moderniser, il faut être capable de décrire cet infléchissement actuel à partir de la pratique. Et c'est cet enjeu que je reprends à partir du travail de Philippe Descola et évidemment à partir de l'ouvrage « Par de la nature et culture ». Alors, à mon avis de cet ouvrage, il faut retenir la proposition qui consiste à entendre le terme d'ontologie de façon dispositionnelle. Une disposition, c'est une façon de réagir à des conditions extérieures, une façon d'actualiser certains aspects du monde pertinents pour l'action et pour ses fins. Les dispositions participent donc à la fois de la construction de la connaissance et de la formation du monde qu'elle prend pour cible. C'est en ce sens que l'approche dispositionnelle se confond avec une approche ontologique. En essayant d'atteindre les structures profondes dans lesquelles s'enracine la pratique et où se définissent des possibilités et des impossibilités, l'approche dispositionnelle culmine dans la saisie de cadres que l'on peut véritablement dire ontologiques. Cette approche entre en résonance avec l'ensemble des points déjà soulevés. Le premier, ces points, je le laisse tomber, en fait, on s'en fout. C'est encore sur la différence entre ce qu'est une culture et ce qu'est une ontologie, mais à la limite, c'est pas le problème central ici. Je passe au deuxième point, plus intéressant. En fait, c'est la façon dont on peut répondre à cette impasse latourienne que j'essayais de piquer tout à l'heure, avec les instruments de Descola, mais en fait aussi en déplaçant un peu ces instruments. Alors, l'anthropologie doit aujourd'hui fournir une analyse des transformations historiques qui affectent les niveaux les plus stabilisés de l'expérience collective, c'est-à-dire comment les êtres sont distribués, quelles formes d'autorité régissent les différents domaines du monde commun. De ce point de vue, l'histoire du naturalisme, de ce que les scolaires appellent naturalisme, c'est-à-dire ce que Latour appelle modernité. De ce point de vue, l'histoire du naturalisme fournit des éléments essentiels que ne capte peut-être pas la grammaire des modes d'identification que propose Descola. De nombreux éléments qui sont issus de l'histoire environnementale, mais aussi de l'histoire économique, montrent que les formes de constitution du monde, qui sont les plus représentatives de l'ontologie naturaliste, de ce que Descola appelle l'ontologie naturaliste, sont le produit de processus politiques très complexes, de luttes, de dissensus, et pas du succès cognitif qu'aurait connu un arrangement des identités et des différences. C'est-à-dire, pour reprendre rapidement, ce que Descola décrit souvent comme, si vous voulez, le succès d'un mode d'arrangement du monde qui s'explique par son économie cognitive, si vous voulez, par sa simplicité et sa robustesse. C'est pour ça que ça marche, le naturalisme. En tout cas, c'est une manière de lire ce qu'il fait. Ce même processus, on peut l'expliquer, en fait, de manière politique, par ce que j'ai appelé de la lutte et du dissensus. Par exemple, ce que décrit l'économie politique de Karl Polanyi, ce que décrit l'histoire écologique du capitalisme de Kenneth Pomerantz ou de Timothy Mitchell. Bon. La commodification du travail et de la nature, par exemple, ou la désinhibition face au risque, pour reprendre une expression du livre de Jean-Baptiste Fressoz sur le risque technologique, toutes ces transformations politiques définissent véritablement la modernité naturaliste comme quelque chose d'effectif, ne se sont pas imposées comme des nécessités immédiatement admises, mais au terme d'épreuves sociales très longues et qui en réalité ne sont pas terminées. Ce genre de travaux, donc travaux d'histoire environnementale et d'histoire économique, qui portent sur les rapports entre le contrôle exercé sur l'environnement et les pratiques du gouvernement politique, suggère aussi que les représentations typiques du naturalisme sont inégalement distribuées dans l'espace social. C'est-à-dire que nous ne sommes pas tous naturalistes au même égard, si vous voulez, à condition à supposer qu'on le soit. Les représentations typiques du naturalisme sont inégalement distribuées dans l'espace social, et leur diffusion ne tient peut-être pas tant à leur potentiel intégrateur intrinsèque, c'est la propriété fondamentale qu'accorde Descola au concept de mode d'identification, en fait, ce caractère intégrateur pour l'expérience. Donc on peut dire que ça ne tient pas seulement à ça, mais aussi et surtout à la position d'autorité très tôt conquise par les défenseurs de la modernité, du naturalisme. Donc de tous ces travaux, on peut encore retenir que le naturalisme a en réalité, dès le départ, su exploiter des différences dans les modes d'appréhension du monde, notamment les différences entre nos modes d'appréhension du monde et celles des régions périphériques, en fait celles des régions colonisées. Bref. Tous ces éléments qui constituent l'histoire politique de la nature moderne permettent de déplacer l'approche structurale des ontologies proposées par Descola et de réorienter l'attention aux pratiques qu'elle met en avant pour capter la dimension politique de cette forme de cadrage de l'expérience. Bon, là encore, pour résumer, puisque je pense que mon temps doit être écoulé, l'opération que je propose par rapport au travail de Descola, c'est de prendre au sérieux l'importance qu'il accorde au concept de pratique comme axe d'entrée dans les transformations de la modernité. Et non seulement de le prendre au sérieux, mais si vous voulez, de le radicaliser en disant qu'il faut plus de pratiques encore, c'est-à-dire, de manière annexe, moins de cognitifs et plus d'intérêt pour les caractères contradictoires et oppositionnels, au fond, et politiques, des prises en charge politiques de la nature dans la modernité. Bon. J'ai fini. Merci. Merci Pierre pour cette proposition de généalogie à la fois synthétique et en même temps un peu provocante, parce que tu en arrives quand même à dire que le tournant ontologique n'est pas tant un tournant que ça en fait, mais qu'il s'inscrit quand même dans une lignée philosophique et anthropologique préalable. Du coup, on passe tout de suite la parole à Charlotte qui va rebondir d'abord sur ta proposition de généalogie. Oui, donc en fait, je voulais relever... Enfin, c'est une assez longue question. C'est une question commentaire, proposition, qui se place du point de vue de l'anthropologie, mais aussi de l'anthropologie plutôt anglo-saxonne, puisque j'ai fait toutes mes études d'anthropologie au Brésil et en Angleterre, qui ne sont pas forcément très influencées par notamment la sociologie française. En tout cas, pas toujours. Donc, comme disait Camille, si je comprends bien, tu fais une sorte de généalogie de l'anthropologie et à la fois, plus précisément, du tournant ontologique. Et tu montres en quoi ce projet prend ses racines dans la sociologie moderne et en quoi, du coup, elle trouve... Si on regarde cette sociologie moderne, notamment la sociologie de Durkheim, on peut retrouver les prémices, les méthodes, les objectifs du tournant ontologique, en tout cas ses racines. Donc de cela découle ta première conclusion, qui est que le tournant ontologique n'est pas un tournant, mais... une ligne droite, si je comprends bien, ça veut dire que elle prolonge l'héritage de cette sociologie en la radicalisant plutôt que véritablement, en quelque sorte, inventer quelque chose de radicalement nouveau. Et dans la deuxième partie de ton intervention, donc tu mentionnes trois options du tournant ontologique et tu conclus, surtout sur les dernières publications de Viveiros et Castro, Latour et Descola, donc plutôt du coup sur le projet, sur le projet écologique, tout ce qui est modernisé, écologisé, plutôt que du coup par exemple le projet qui était au départ très politique et plutôt tourné sur la décolonisation de la pensée et de la pratique. Donc en fait, je me demande si... il n'y a pas une autre généalogie possible en quelque sorte, qui serait une généalogie, un héritage interne à l'anthropologie d'abord, et qui permet en fait de voir ce tournant comme un véritable tournant, et qui permet de le saisir dans sa radicalité, donc sans le regarder, sans le mettre en relation avec la sociologie qui est quand même très estompée, surtout en Angleterre, mais bien sûr il y a une parenté avec la sociologie, mais ça concerne, je pense, surtout les premiers anthropologues et peut-être moins les anthropologues du tournant ontologique, puisque par exemple si on regarde les références de Viveiros et Castro, donc notamment dans Métaphysique Hannibale, où c'est un peu une sorte de manifeste finalement du tournant ontologique pour les non-anthropologues, les personnes qui citent, c'est Lévi-Strauss, c'est Stratern, c'est Wagner. Enfin, il y a tout un monde, d'anthropologues qui vient s'installer ici et qui est pas forcément directement. Enfin, il y a pas forcément de lien direct avec la sociologie entre guillemets, classique. Et donc lui, je pense que ce qui est très qui influence beaucoup les anthropologues qui viennent du tournant ontologique, notamment en Angleterre, c'est surtout du coup donc les travaux de Stratern et Wagner qui commencent justement à retravailler, à redéfinir les concepts par exemple de personnes, de relations, de filiation dans différents concepts, dans différents contextes, et du coup qui commencent à élaborer des sortes de d'alter ontologie, mais qui aboutissent pas encore tout à fait, en tout cas dans leurs premiers travaux, à des ontologies. Et du coup, c'est à partir de là que le tournant ontologique se crée. Du coup, ce mécanisme propre à l'anthropologie me fait un peu douter de l'importance de la sociologie dans le tournant ontologique. Puisque si l'anthropologie et le tournant ontologique fait des références extérieures à l'anthropologie, elle fait plutôt des références justement à la French theory, à des philosophes post-structuralistes, d'ailleurs beaucoup de philosophes français, mais pas directement à la sociologie. En outre, par rapport à ce sujet, par rapport au lien à cette étape entre sociologie et anthropologie, je ne suis pas sûre qu'on partage les mêmes outils, les mêmes enjeux, même les mêmes prémices et méthodes. Il n'y a pas d'observation participante en sociologie. On ne cherche pas vraiment à comprendre les concepts de l'objet-sujet qu'on étudie. C'est un mode de connaissance, il me semble, qui est quand même différent et aussi qui n'est pas quelque chose de... Je ne suis pas sûre, parce qu'à un moment, tu dis que c'est intuitif en fait, de penser la pensée des autres... comme une pensée, je suis pas sûre que ce soit si intuitif, puisque pour pouvoir penser la pensée de l'autre, il faut quand même qu'on transforme notre propre pensée, ce qui veut dire transformer notre propre langage, qui est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ne serait-ce qu'au quotidien. Dernier point sur le rapport avec, entre la sociologie et l'anthropologie, enfin, qui montre en fait leur différence, c'est que on peut très bien imaginer une sociologie des Arawatés ou des Chors ou des Achuars ou n'importe quel peuple, mais qui sera certainement pas comme une anthropologie. D'ailleurs, souvent dans les monographies, dans les ethnographies, on a une partie de sociologie qui est beaucoup plus, quantitative, mathématique, ou qui n'utilise pas les mêmes outils. Du coup, je me demandais si on pouvait pas proposer une, dans cette sorte de généalogie, donc qui serait extérieure à l'anthropologie, une généalogie qui passe par exemple des auteurs et des philosophes humanistes, après les philosophes des Lumières, dans le sens où, par exemple, quand on regarde, notamment dans Véroze et Castro, il y a beaucoup de références à Montaigne, donc notamment au texte sur les cannibales. Après, il y a des références à Rousseau, à Diderot, on pense par exemple au supplément Voyage de Bougainville, des choses comme ça. D'autres anthropologues utilisent Montesquieu, où là on voit finalement que le lien qui serait entre ces différents penseurs et donc entre ces différentes époques, c'est le fait de se confronter à l'altérité radicale, même si c'est dans la fiction, et à la différence radicale, pour pouvoir repenser la métaphysique ou l'ontologie, l'un ou l'autre, occidentale, ou même la politique, dans le cas par exemple des lettres persanes. Enfin, du coup, on a ce mouvement de critique de soi en passant par l'autre, mais qui me semble qui est quand même différent de l'ambition, de l'anthropologie dans ce courant ontologique, puisque je pense que ce qui est très important dans cette... si on reprend cette histoire plus du côté de l'anthropologie, ce qui est très important, je pense, c'est, contrairement à la sociologie où tu dis qu'un des référents historiques c'est la Révolution française, le référent historique pour l'anthropologie c'est la colonisation, et c'est la conquête du Nouveau Monde, et après toutes les différentes étapes et séries de colonisation qui viennent. Et je pense que c'est en ça que c'est un véritable tournant, et que c'est un tournant qui est radical, c'est que finalement, et qui fait en plus que ce tournant ontologique est aussi un tournant politique, c'est qu'en fait, ce qu'on essaye de penser, ce qu'on essaye de faire, notamment dans Véroze Castro, après dans Holbrad et dans Hage, donc des anthropologues anglo-saxons, le but finalement, c'est vraiment de décolonialiser la pensée et la pratique. Et du coup, ici, prendre au sérieux la pensée de l'autre a une dimension qui est aussi politique, et plus seulement, c'est épistémologique et politique. Donc voilà, donc ma proposition, c'est si on part d'une telle généalogie du tournant ontologique, donc plutôt interne à l'anthropologie, et qui est aussi, bien sûr, en quelque sorte, la généalogie peut-être fantasmée que ces auteurs proposent, il y a quand même... Non, mais on peut discuter de ça, mais ce qui, du coup, quand même ressort généralement comme... la définition, disons, la plus standard, qui revient le plus souvent du tournant ontologique, c'est la définition finalement de Véroze et Castro, qui requalifie l'anthropologie comme la science de l'autodétermination ontologique des peuples du monde, et donc du coup dont le corollaire serait, la mission serait la décolonisation permanente de la pensée, et après il rajoute dans Métaphysique animale aussi, et de la pratique. Du coup, les conclusions seraient différentes si on prend cette perspective, puisqu'on arriverait peut-être moins à la question de l'écologie, ou sinon à la question de l'écologie par Ingol, vraiment en passant par les collectifs et les communautés, en passant par leurs concepts finalement de nature, d'environnement, etc. On voit finalement, je pense, que en quoi l'anthropologie et la sociologie ont des méthodes qui sont à la fois différentes, mais aussi que ces deux disciplines sont différentes en termes d'objectifs, mais aussi en termes de politique, puisque finalement ici le tournant ontologique vise à penser ce qui est différent, ce qui diffère, et voit finalement ce qui diffère et cette pensée différente comme un acte politique en lui-même. Donc je sais pas j'ai l'impression que si on prend la question de ce point de vue, on voit aussi mieux le défi pour la philosophie, puisque le défi justement ce serait aussi que la philosophie entre dans ce processus des décolonisations de la pensée, de la reconceptualisation du coup radicale de son ontologie notamment. Donc ça c'est une première grosse question et juste une très petite question. Je voudrais juste savoir si on pourrait revenir à la question de la définition, parce que j'ai l'impression au début dans l'introduction que tu poses tournant ontologique, enfin ontologie et métaphysique comme synonyme. Je voudrais savoir si on pourrait voir un peu la définition de l'ontologie et la métaphysique à la fois pour du coup pour la philosophie, en philosophie et en anthropologie, et la façon dont ces dialogues peut-être qui aussi permet de répondre du coup notamment à la question ontologie politique. Ok, merci. C'est beaucoup de choses à dire, mais c'est bon. Enfin, déjà de manière générale sur l'esprit de ta réaction, évidemment, d'autres généalogies sont possibles, toujours. C'est à moins d'être totalement dogmatique et de rater son objet. On est toujours en état de sous-détermination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas épuiser, si vous voulez, la matière théorique qui est traitée par toute révolution, toute transition intellectuelle. Alors quand même, du coup, un point de méthode. Je pense qu'il... Moi je suis une sorte d'historien des sciences sociales, donc il y a quand même une différence importante à faire en histoire des sciences en général et des sciences sociales aussi, entre, si tu veux, un lien conceptuel et une référence explicite. C'est-à-dire, tu as tout à fait raison de dire que Durkheim n'est pas du tout dans le radar de Diderot. Dans le cas de Latour, elle est dans son radar négativement, en fait. Il passe son temps, il passe tellement de temps à s'en défaire qu'on se demande à la fin si c'est pas un peu suspect. Quant à Descola, c'est encore autre chose, c'est une absorption totale. C'est-à-dire que Descola est le ce qui se fait de plus classique dans l'anthropologie, j'ai même envie de dire mondiale. Donc il est ultra durkheimien, ultra structuraliste, donc là, dans ce cas, ça marche. Bon. Donc en tout cas, c'est pas parce qu'il n'en parle pas que la référence n'est pas légitime. Bon. Après, moi, je choisis d'entrer dans la question du tournant ontologique par cet angle-là, parce qu'en fait, pour moi, l'intérêt de revenir à la sociologie classique, en fait, c'est un... ça tient à la possibilité de politiser les sciences sociales, en fait. C'est-à-dire de ne pas tenir les sciences sociales simplement de manière un peu naïve, comme des projets descriptifs, une sorte d'empirisme sans intention intellectuelle, sans intention critique, par exemple, etc. Mais de voir dans ces régimes discursifs quelque chose qui est, pour le coup, vraiment de même grain que la philosophie, c'est-à-dire qu'il y a une ambition à la fois de bilan et de déplacement par rapport à du bien connu. Et de ce point-là, du point de vue-là, en fait, la sociologie est utile parce que, comme ça a été la première dans l'histoire des sciences sociales, à vraiment se donner une sorte d'appendice quasiment de l'ordre de la philosophie politique, c'est utile de relire l'anthropologie contemporaine à ces tones-là, parce que ça permet de la par exemple, si tu veux, si tu lis tel quel le projet politique de Viveros, il y a quand même quelque chose d'un peu naïf, un truc, il y a un côté un peu si il n'était pas brésilien, ce serait du tiers-mondisme pas toujours très intéressant. Mais par contre, si on tu veux, si... Brésil a changé. Quoi? Brésil est plus vraiment le tiers-monde, je te rassure. Tu me diras tout à l'heure ce que c'est maintenant, mais... Bon, enfin... quand je dis tiers-monde, ça veut pas les pauvres, hein. Enfin, c'est pas que ça. Peu importe. Donc, si tu veux, ça, en fait, ça permet de prendre au sérieux la portée politique de l'anthropologie qu'elle se donne pas toujours elle-même, en fait. Bon. Et d'ailleurs, alors, je dernier truc là-dessus. Je remarque en fait que, parce que dans ce que tu dis, il y a l'idée que l'anthropologie est une science noble parce qu'elle elle pousse la description sociologique jusqu'à une prise en charge de la dimension conceptuelle de la vie sociale. Et en fait, l'anthropologie, c'est la science sociale qui peut prendre en charge les niveaux de réflexivité les plus hauts de l'expérience collective. Et je serais assez d'accord avec ça. Mais je remarque en fait que les sociologues prétendent exactement la même chose. C'est-à-dire que quand on discute d'anthropologie dans des assemblées de sociologues, très souvent ils disent, ou avec des philosophes qui préfèrent la socio à l'anthropo, ils disent, ce qui m'arrive souvent, ils disent, en fait, l'anthropologie c'est un truc un peu brutal de description des conditions de vie des gens. Conditions de vie des gens. Ça peut être compliqué, mais ça peut être riche, mais c'est les conditions de vie des gens, un truc un peu matérialiste, un truc qu'on salit en fait. Alors que la sociologie, c'est toujours politique. C'est-à-dire la sociologie, c'est des questions de domination, c'est des questions des inégalités, etc., etc. En fait, c'est pour ça, c'est des gens qui disent que la sociologie, c'est l'héritage de la philosophie politique quand celle-ci est arrivée à ses impasses. Donc en fait, ces deux disciplines cherchent à thématiser leurs points forts respectifs, si on veut dire. Si on veut, l'une, pas un peu comme celle que tu traduis, et que je pense est assez symptomatique, pas l'idée qu'on monte jusqu'au réflexif, jusqu'au conceptuel, ça c'est l'anthropo, les anthropologues, et la sociologie par sa portée politique. Et en fait, moi ce qui m'intéresse en lisant l'anthropologie, l'histoire de l'anthropologie par la socio, et d'ailleurs j'aurais très bien pu faire l'inverse, hein, mais c'est justement de montrer que ces deux angles-là ne sont pas exclusifs, ils sont plutôt cumulatifs. Enfin en tout cas, moi je me proposerais volontiers comme tâche, pour le coup vraiment philosophique, de renouer ces deux aspects des sciences sociales qui ont tendance à se séparer. Bon. Tu as l'air de vouloir répondre à la question. Oui, non, mais enfin je vois pas très bien, enfin le. Je vois pas du tout très bien du coup comment tu parce que enfin. Oui, enfin, si la définition que tu donnais de l'anthropologie que les sociologues te donneraient, c'est pourquoi pas, ça peut être une des définitions de l'anthropologie, mais c'est pas la définition du tournant ontologique, justement. Non. Qui est quand même une anthropologie que tu peux pas confondre avec l'anthropologie en général, puisque justement le projet, eh bien celui-là, eh bien de. C'est pas vraiment d'aboutir au conceptuel, c'est pas ça, mais c'est de vraiment, et ça je pense que de toute façon c'est quelque chose que tu ne peux faire qu'avec une observation participante. Que je ne crois pas fait partie des méthodes de la sociologie, mais il ne s'agit pas de taper sur la sociologie, c'est pas ça le but. Oh, un peu. Mais tu peux pas, pour pouvoir te rendre compte que ce que. Enfin, quand tu arrives sur le terrain, que tu. Enfin, je prends un exemple débile, mais tu vois, que toi, bon, voilà, toi, tu appelles ça une bouteille d'eau et tu te rends compte que finalement, on va te parler de bouteille d'eau et tu. Ce sera pas du tout ça en fait, mais si tu arrives juste comme ça et tu passes une semaine, tu peux très bien être équivoqué et penser que vous parlez de la même chose. Ouais. Il faut que tu comprennes, c'est débile comme exemple, mais il faut que tu comprennes, par exemple, vraiment la face, c'est pas seulement de comprendre, de comprendre ce dont tes informants parlent, mais c'est pour le comprendre, généralement, tu as quand même besoin aussi de passer par toute la cosmologie, toute la mythologie. Enfin, c'est pas juste d'arriver comme ça, il s'agit pas de forcément créer des concepts, il s'agit juste de déformer notre langue. Pour pouvoir traduire leur langue, c'est-à-dire de quand on nous parle de quelque chose et que au début on, peut-être pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, on va penser ouais d'accord, je vois très bien de quoi on parle. Je comprends très bien en fait cette je la comprends. Je la pratique pas mais je la comprends cette mise à l'épreuve de cadres conceptuels ordinaires qui deviennent étrangers subitement. Très bien, mais justement, ce qui m'intéresse, c'est de lire ce genre d'opération de transformation. Que racontent tous les ethnographes, et ils ont bien raison, c'est de lire ça au point où ça devient politique. Mmh. Et de ce point de vue-là, je ne dis pas qu'il faut absolument passer par la sociologie, il y a des anthropologues très politiques, et c'est très bien. Simplement, il m'a semblé commode de passer par la sociologie politique de tradition durkheimienne pour rendre visible ça, parce qu'en fait, c'est quand même bien cette ambition de politisation de la pensée sociale, qui est présente au bout du compte chez nos trois larrons et surtout en fait chez Vieros et Latour. Bon. Et alors, par ailleurs, je réponds pas spécialement sur la question de la généalogie anglo-saxonne du tournant ontologique parce que je voudrais pas bouffer le biscuit de Gildas Salmon qui va venir vous parler de ça en fait la prochaine fois ou de quelques prochaines fois. Donc en fait, voilà, lui il a essayé de réfléchir à la généalogie justement via Strasern, via Wagner, un peu moins. En tout cas, une autre généalogie du truc. Et qui fait en fait ressortir d'autres problèmes. Donc, bon, je laisse ça parce que sinon je vais te dire moins bien que lui. Alors l'autre branche de la question, très intéressante aussi, alors pour le coup ça nous fait un peu aller vers d'autres trucs, mais effectivement est-ce qu'il n'y aurait pas une autre manière de dire le truc en disant que le tournant ontologique c'est une manière de réactiver une sorte de dialectique de l'altérité qui est présente dans la littérature européenne depuis le 18e siècle, non, depuis les grandes découvertes en fait, depuis les grandes découvertes, fin du 16e, 17e, bon. Diderot, Montesquieu, etc. Même Montaigne avant. Bon. Alors, ouais, c'est vrai. Alors, comment on pourrait. Si on se donne cette focale-là, qu'est-ce que ça fait ressortir du tournant ontologique ? À mon avis, ça fait ressortir autre chose, mais qui est très intéressant. C'est qu'en fait, la dialectique de l'altérité que prennent en charge les trois oiseaux là, elle se caractérise par le fait que y a un empilement conceptuel et culturel de l'exception moderne et de l'exception naturaliste ou de l'exception humaine, si tu veux. En fait, un des problèmes communs à la tour d'Escola et du Véros, et qui était en fait, je pense, déjà le problème de Montaigne, c'est le fait que, alors d'un côté, si tu veux, on a l'idée que les modernes ont toujours prétendu qu'ils étaient tout autres, c'est-à-dire que il y a eu des païens, des chinois, des grandes civilisations méso-américaines, toutes sortes de choses, mais que tout ça c'est un peu la même chose, et que être moderne c'est être tout autre que toute autre expérience socio-historique déjà vécue. Pourquoi ? Parce que c'est une expérience qui se vit sous l'éclairage de la raison, sous l'éclairage de la reconnaissance des droits individuels, subjectifs, etc., etc. Et en fait, ça c'est un truc qui vient de ce que l'égyptologue Yann Asman appelle l'exception mosaïque, c'est-à-dire depuis qu'on croit en un dieu unique et révélé, on vit dans un contexte social où toute autre expérience, notamment religieuse, n'est pas reconnue comme une expérience religieuse de plein droit. Tu vois l'idée ? En fait, être moderne, c'est pas, dans sa version légitime, c'est pas être un parmi du multiple, mais c'est laisser le multiple à côté et ressortir. Tu vois l'idée ? Et en fait, la pensée, je pense que, enfin, le fond, l'archifond de la pensée de Montaigne, c'est faire péter cette logique-là, de dire qu'on est un parmi d'autres, mais le faire, en faisant remonter le scepticisme antique, par exemple, des choses comme ça, et puis déjà, une sorte de proto-comparatisme. Et en fait, nos anthropologues contemporains refont ça. De plusieurs façons différentes. Ils le refont, Viveros en disant, avec le perspective, c'est ce que je disais en fait, hein, nous ne sommes pas les seuls à regarder les autres, on n'a pas un point de vue sérieux qui est en fait un idéal épistémologique. Toutes les sociétés ont un idéal épistémologique et toutes se pensent les unes les autres à même niveau. Latour, lui, fait complètement péter le concept de modernité en disant qu'il est, il est hors cadre par rapport à lui-même, si tu veux. C'est-à-dire que, du coup, pour le coup, la distinction mosaïque ou la distinction moderne, comme tu veux, c'est juste un... Enfin, lui dit pas comme ça, mais une sorte d'effet idéologique. Et puis Descola fait un immense effort comparatif pour montrer qu'on peut traduire l'expérience moderne dans le langage des autres expériences et réciproquement. C'est-à-dire, elle est, en fait, elle fait partie d'une... d'une table, quoi, hein, d'une table où tout est au même niveau. Un peu comme chez Hieros, en fait, sauf qu'il y a 4 cases au lieu de 2. Bon. Et en fait, ça, c'est en quoi ils sont montaigniens, ou en quoi ils participent de la dialectique de l'altérité, qui est un truc un peu ancien. Alors, par contre, la différence qu'ils introduisent, c'est que tous les trois disent, c'est ce que je disais quand je disais l'empilement tout à l'heure, c'est que, en fait, l'exception moderne n'est qu'une face de quelque chose qui est, en fait, aussi l'exception du social par rapport au naturel. En fait, nous ne sommes modernes, pas seulement parce qu'on s'extrait du reste, mais parce qu'on s'extrait de la nature en plus du reste. Et ça, je pense que c'est... Enfin, on pourrait dire, je trouve que Montaigne l'avait déjà dit, j'en sais rien, ce serait peut-être généreux, mais enfin, accordons-lui. En tout cas, je pense que cette... dans un autre texte qu'on est en train de préparer justement sur Descola aussi avec Gildas, on essaie d'expliquer ça, c'est que c'est le voilà, l'empilement des statuts d'exception, exception du moderne par rapport au non moderne et du monde social par rapport au monde naturel, c'est ça, enfin c'est dégager cette double exception qui peut-être caractérise si tu veux l'avancée de l'anthropologie contemporaine par rapport à la dialectique de la moderne, de l'altérité classique. Et puis le dernier point, après je me tais, c'est sur le colonialisme. Alors, complètement d'accord encore. C'est évident qu'on peut écrire l'histoire de l'anthropologie aussi, en fait, en suivant pas le paradigme structural, mais en suivant le paradigme connexionniste, enfin, historique, en fait. C'est-à-dire en disant, le rapport à l'autre se construit pas dans la distance, parce que, en fait, si tu veux, toute l'œuvre de Lévi-Strauss consiste à dire que t'as de l'altérité, que quand il y a un espace logique entre moi et l'autre. Il faut faire des oppositions, des contrastes bien marqués, quoi. On sépare bien les choses. Et en fait, c'est même ce qu'il a fait en tant qu'anthropologue. Il a vraiment essayé de dire que ce qu'il allait voir, c'était absolument pas lui. Mmh. Bon. Et puis l'autre manière de faire de l'anthropologie, mais qui est aussi l'autre manière d'écrire l'histoire de l'anthropologie, c'est de dire non, en fait, faut pas chercher les grands contrastes, les grands écarts, les oppositions logiques, faut chercher les petits contrastes, les petites différences, et donc les contacts, en fait. C'est-à-dire, pas ce en quoi les sociétés sont tout autres, mais en fait, comment elles sont devenues autres, si tu veux. Et alors ça, bon, le problème, c'est que aucun de nos trois, ni Latour, ni Descola, surtout pas Descola, qui refuse vraiment de le faire, ni Véros ne le font vraiment. Même si, alors, bon, c'est pour ça que l'impératif de décolonisation chez Véros, à mon avis, c'est métaphorique, il n'y a pas vraiment de réflexion sur le... Enfin, faudrait, je pense, pour être assez généreux, pour prêter à Véros une vraie réflexion constructive sur ce que c'est que le phénomène colonial. Donc voilà, de ce point de vue-là, effectivement, c'est vraiment une autre manière de penser l'anthropologie contemporaine, mais du coup, en fait, qu'appelleraient aussi d'autres anthropologues, en fait, parce que ces trois-là, disons qu'ils ne sont pas tous les trois structuralistes, mais les deux d'entre eux qui sont comparatifs sont structuralistes dans ce sens-là, et celui qui ne l'est pas, Latour, lui, va quand même loin, c'est-à-dire il va jusqu'à nier le fait que les nouvelles catégories qu'on déduit de la critique des modernes, c'est-à-dire les 14 modes d'existence-là, qui va jusqu'à nier que ces modes-là soient propres à notre séquence historique. Lui, il veut les appliquer à tout le monde. Donc en fait, lui, il est même carrément colonial. Mais... non, je... j'exagère, mais en fait, on pourrait aller jusque-là en disant que la diplomatie latourienne, la diplomatie, c'est le transfert, quoi. C'est... Bon. C'était une réponse ou pas ? Oui, mais je suis pas convaincue par ton... Non, c'est normal. Non, par la dernière... Surtout par le dernier point, en fait. Je pense que peut-être que... Je sais pas, peut-être que tu lis d'une certaine façon Véros et Castro qui te fait dire que c'est... comme tu disais, là, que c'est une théorie, enfin, tiers-mondiste, que s'il n'était pas brésilien, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a... Ce que lui, justement, ne pousse pas jusqu'au bout, mais ce que font certains de ses élèves, comme Pedersen ou comme Holbrad, c'est d'essayer de voir, enfin, justement, de plus prendre l'autre comme une critique pour l'Occident, mais de comparer, en fait, ces ontologies entre elles, avec leur propre langue. C'est-à-dire, de pas essayer de trouver que... aller faire une ontographie de Cuba pour Holbrad, son but, c'est pas de critiquer nos concepts. Son but, c'est de proposer d'autres concepts, par exemple, qui vont s'opposer, qui vont être comparés avec ceux de la Mélanésie. C'est pas, enfin, tu vois, et du coup, et c'est là où ça devient justement, enfin, décolonial, dans le sens où on se passe. Oui, dans ce cas, de ce comparant qui est différent. Ouais, c'est aussi un rapport à l'altérité qui a absolument rien à voir, en fait. La question du post-colonial d'une certaine manière et la question de l'anthropologie coloniale en tant que telle, ça institue deux rapports à l'altérité qui n'ont absolument rien à voir. Voilà, c'est ce que j'essayais de dire, en fait. L'un qu'on peut qualifier d'asymétrique, à proprement parler, et l'autre qui se veut un peu plus symétrique pour le coup, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même une considération de l'autre, en tant que telle, qui n'a rien à voir dans les deux cas. Enfin, ça semble quand même assez évident. Et sachant aussi qu'il y a toute une contextualisation politique et historique à faire, quoi, dès lors qu'on aborde ces questions, quoi. Donc on peut pas parler de pratiques anthropologiques qui se voudraient en tant soit peu émancipées du colonialisme sans, sans, sans avoir en tête ce qu'était la période coloniale en tant que telle. Oui, oui. Non, bien sûr, d'autant plus que, en réalité, en fait, l'émergence d'une raison postcoloniale, si vous voulez, c'est quand même largement faite contre l'anthropologie. Alors, qui est plus récemment redigérée par l'anthropologie. On pourrait dire d'une certaine manière le métaphysique cannibale de Diderot, c'est la tentative de légitimer le discours post-colonial à l'intérieur de l'anthropologie, alors qu'il en avait été quand même largement expulsé par un régime discursif qui a été longtemps assez insituable entre l'histoire, beaucoup porté par les littératures comparées dans les départements anglo-saxons. Par les théories de genre aujourd'hui en France. Donc en fait, ce discours qui a longtemps été un peu insituable, en fait, par un simple effet de manque de légitimité académique, hein, c'est pas un défaut intrinsèque de ce genre de théorie. Et quand même, tu vois, du coup, c'est très difficile de voir dans l'anthropologie quelque chose qui porterait vraiment ce genre d'aspiration à la fois épistémologique et politique. Mais bon, là, c'est un peu difficile, ouais. Non, mais j'irai plus loin, je pense que la bonne conscience morale du ton anthologique est gênante en elle-même et assez critiquable. C'est pour ça que j'ai adoré ta généalogie, mais je ne suis pas sûr que ce soit une convergence entre philosophie et anthropologie. J'ai plutôt l'impression que le ton anthropologique fait un pas de côté, du côté de la philosophie, en disant super, on va décoloniser la pensée. Mais décoloniser la pensée, ça ne veut pas forcément dire décoloniser l'autre, ni pouvoir le rencontrer. Ça veut dire, en l'occurrence, la meilleure façon de réhabiliter un Indien d'Amazonie, c'est de dire qu'il a des concepts, donc de mettre tout en haut de l'échelle des êtres. Gilles Deleuze et les philosophes parisiens, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon. Bah ça, en fait, c'est ce que je disais quand je mentionnais une lecture... c'est une lecture possible de Zéros ou d'autres, mais c'est une lecture faible, pas dans le sens où c'est une mauvaise lecture, mais dans le sens où... C'est une lecture paracharitable, quoi. Bon, en fait, je suis assez d'accord avec toi, dans le sens où ça a généré des tonnes d'études anthropologiques vraiment d'assez mauvaise qualité, qui jouent exactement le rôle que tu décris, c'est-à-dire, regardez les gars, ils sont trop forts, ils n'ont jamais lu un bouquin, mais ils pensent comme Deleuze, qui est quand même un truc catastrophique pour eux et pour nous. Enfin, ça, c'est vulgarisé aussi, vers des castros, quoi. Oui, oui, là, complètement. Si tu veux, le livre, pas vulgarisé, le livre prête à ça, objectivement. Oui. Mais, okay. J'ai essayé de le lire de manière un peu plus. J'ai essayé de tirer des choses plus positives. Il y a des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'il y a une réflexion qui est d'efficacité. Ouais. Absolue, et en même temps qui va être très pluraliste. Après, ce qui serait intéressant, mais peut-être que toi tu le vois en Amazonie, c'est de voir. Quelle tournure ça a au Brésil, dans les départements d'anthropologie brésiliens, par exemple. Après, on rentre dans des questions de personnes, mais je ne crois pas que l'avenir de l'anthropologie brésilienne soit dans le mouvement anthologique, brésilianiste comme brésilienne, parce que je ne crois pas que ce soit un outil d'investigation ethnographique utile et utilisable. En fait, je ne pense pas non plus. Ça revient à un problème conceptuel, en fait. C'est que le gros problème du tournant anthologique, même si on accepte ce présupposé qu'il faut faire de la philo quand on fait l'anthropologie, ce qui n'est pas forcément le cas, il y a plein d'autres choses, mais il me semble qu'il y a quand même une sorte d'équivalence. Un peu simpliste entre concept et monde, entre concept et être, biologie, qui relève d'une sorte de nominalisme à deux Francis Hou, et qu'on voit très bien chez Obrad dans l'introduction de Taking Two Things, où il dit simplement il faut prendre la parole au sérieux, ils disent que les jumeaux sont des oiseaux, donc il y a des mondes, ils sont dans un autre monde, les jumeaux sont des oiseaux. Et il y a en fait une naïveté incroyable, c'est qu'on élimine totalement la dimension linguistique, et quand on relit Evans Pritchard, l'énumère. Non, tout ce qu'il fait, c'est exactement ce que Holbrad devrait faire s'il faisait vraiment du bon terrain, c'est-à-dire de regarder dans quel contexte on va utiliser tel mot, et effectivement, de travailler sur les concepts. Donc, pour travailler sur les concepts, il faut examiner des usages de la parole et créditer l'autre d'un rapport au langage qui ne soit pas un rapport de primitif tel qu'on le faisait avec Lévi-Brulle, mais un rapport créatif, distancié, ironique. Et je trouve qu'il y a un aplatissement dans le ton anthologique total et absolu qui est de dire « Ah, ils ont dit que les jumeaux étaient des oiseaux, donc c'est vrai ». Et en fait, non, les gens peuvent effectivement avoir un rapport au langage qui soit distancié, qui ne soit pas aplati par l'approche conceptuelle. Mais vous comprenez bien que là, votre lecture, par exemple, de Holbrad est un peu naïve, du coup, parce que vous comprenez bien que quand il dit « oui, ils disent que les jumeaux sont des oiseaux », Donc les jumeaux sont des oiseaux. Ce qui veut dire, c'est-à-dire que dans leur langage, les jumeaux sont des oiseaux, mais qu'ils ne sont pas pour nous les jumeaux qu'on a nous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on défasse nos propres concepts et nos propres et nos propres notre propre langage. Bah donc du coup ils font la même chose. Mais c'est pas un rapport. Je vois pas trop le. Il y a pas de la question d'autologie. Et bien c'est ça, le fait qu'il dit bah, les jumeaux chez les numères, c'est d'abord ça désigne comme chez nous. Et c'est un point de convergence entre les deux concepts lorsqu'il y a deux organismes qui sortent du même ventre au même moment. Donc ils sont d'accord là-dessus. Et ça c'est un point de convergence. Et par ailleurs, si on dit que c'est des oiseaux, c'est parce que dans les deux cas, les oiseaux comme les jumeaux sont censés être les plus ouais. Du coup, il y a un point de convergence dans les deux concepts qui fait que. Juste un truc sur ce que tu dis. En fait, au-delà de la question de savoir ce qui est déjà fait par un esprit de charme ou pas, il y a un truc que tu dis qui, je pense, qui est vrai, c'est-à-dire que de toute manière, il n'y a pas d'avenir dans le tournant ontologique, dans le sens où en fait, et d'ailleurs, tu aurais dû venir à Cerisy parce que, en fait, ils l'ont tous dit. T'as pas été invité. Surprise. En fait, ils l'ont tous dit, c'est-à-dire. Bon, d'abord, ils ont tous reconnu que ça leur avait complètement échappé, le truc, et qu'effectivement, il y avait des usages qui étaient un peu partis dans tous les sens et qui en fait captaient pas le genre d'opération qu'ils avaient chacun de leur côté cherché à faire. Et en fait, le plus clair a été Philippe Descola qui a. Je pense qu'il. Enfin, quand il a dit ça, il a vraiment pointé le truc. Il dit. Il y a une différence en fait entre le moment où l'anthropologie a cherché à produire des instruments à la fois descriptifs et analytiques qui permettaient de contourner certaines choses que j'ai évoquées dans le papier, c'est-à-dire les impasses du concept de culture, des choses comme ça, du concept de croyance, les défauts de symétrie dans les modes de description quand on essaie d'être comparatiste, des choses comme ça. Donc de ce point de vue-là, il te dit la ontologie, ça, si tu veux, ça fait quelque chose, quoi. Après, partir sur le terrain en essayant de chercher des ontologies, ça n'a pas marché. Non, mais ça, c'est sûr. Enfin, c'est ce qu'il dit, et à la limite, c'est mieux que moi, donc, bien croire. Donc, en fait, c'est Eder, c'est un truc qu'avait dit Holbrad aussi, quand on lui avait demandé de nous trouver des jeunes anthropologues pour meubler le programme, nous a dit, vous savez, en fait, ontologie, c'est midlife crisis pour l'anthropologue, c'est le moment hyper réflexif où il commence à se demander s'il a vraiment eu les bons, si l'étalonnage descriptif était bien fait, est-ce qu'on peut pas le reparamétrer, etc. Donc là, il y a un moment de doute, de crise, et après on repart, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment le lire comme ça, c'est-à-dire. Sorte de prise de conscience d'une crise épistémologique à l'intérieur d'une discipline, puis d'une relance, alors qui se fait à l'intérieur de l'anthropologie, voilà, c'est-à-dire faire des descriptions qui contournent les impasses, etc. évoquées. Et puis, c'est ça, c'est la mise en branle de ces ontologies. Voilà. Et moi, je pense aussi, par ailleurs, que la relance qui se fait après dans ce cas, c'est tournant au sens où on tourne, mais après, on repart droit, quoi. on repart tout simplement, quoi. On va pas tourner en rond tout le temps. À mon avis, la relance se fait aussi sur le plan de la philosophie. En tout cas, en ce qui me concerne, je pense que pour justement capter les événements d'ordre à la fois sociaux et conceptuels qui définissent justement le tournant environnemental contemporain, il est possible qu'on ait besoin de ce niveau de radicalité dans l'appréhension des phénomènes. Voilà. Et est-ce que tu dis par rapport à la transformation qui se produit au sein de la philosophie, il me semble qu'on peut assez bien l'éclairer en mettant en parallèle le dit tournant ontologique dont on parle aujourd'hui. Et ce que tu appelles dans ta thèse, enfin après Descola, l'écologie symbolique, une certaine croyance dans, par exemple, l'anthropologie culturelle, comme tu montres aussi, de Marvin Harris, selon laquelle il y a une priorité des infrastructures. Disons dans la distribution des catégories que nous avons le marxisme, avec infrastructure, structure et superstructure, où on aurait simplement une hyperdétermination des infrastructures, et puis tout le reste serait un peu la traîne. Quand Descola arrive et parle d'écologie symbolique, et quand il fait évoluer la théorie Lévi-Strauss-Kahn de la double détermination, c'est-à-dire on peut lire d'un seul côté, comme le faisait Lacan, en disant bon voilà, on a quelqu'un qui nous a démontré que chez les primitifs, entre guillemets, il y avait aussi une autonomisation du symbolique par rapport au reste. Le geste un petit peu moins monomaniaque, c'est de dire non, il y a vraiment une double détermination, c'est-à-dire entre voire une triple détermination entre les trois niveaux, infrastructures, superstructures et structures. Et pour en venir à la transformation du tournant ontologique de l'anthropologie dans la philosophie, je pense que la façon dont Descola parle d'écologie symbolique nous met en présence d'une pensée dans laquelle le multiculturalisme ne peut plus tenir, dans la mesure où on n'a plus affaire à des croyances, à des cultures, mais on a affaire à des rapports, à des enchâssements, entre guillemets, dans les pratiques, à des rapports environnement qui modifient ces croyances et ces cultures et qui modifient en retour les façons techniques de traiter l'environnement. En ce sens, je pense que quand on passe de Marvinarisme, l'anthropologie culturelle, du point de vue du marxisme, à Descola, on est mis en présence aussi de quelque chose qui est assez important chez Marx, qui est la théorie de l'abstraction réelle. C'est-à-dire que c'est des abstractions comme la monnaie, par exemple, dont on peut finalement assez peu se passer, dans la mesure où ce sont des modes d'équivalence générale. Enfin, la monnaie est un mode d'équivalence générale. Et de resymbolisation des pratiques qui les arrivent à redistribuer, ils ont restructuré un point tel qu'on ne peut pas jouer le jeu du primitivisme, du localisme, etc. Et en ce sens, j'ai l'impression que quand Descola parle d'écologie symbolique, il dit assez bien ce que Marx cherchait à dire quand il parlait d'abstraction réelle. C'est-à-dire que certes il y a des cultures, certes il y a des croyances, mais elles ne sont pas entre guillemets flottante, comme ça, une espèce d'entité fantomatique qui s'est préservée dans des monographies, mais elles sont toujours branchées avec ou elles sont produites par des types de rapports à l'environnement, et des types de transformation de l'environnement. Dans ces moments les plus politiques, d'ailleurs, Diogo de Castro, dans le texte qu'il a donné à Multitude il y a quelques années, parle du fantasme de la forêt vierge. Le multiculturalisme serait la position sur laquelle on pense qu'il y a encore de la forêt vierge et pas une terraformation entre guillemets active des populations auxquelles on s'adresse. Bon, c'était simplement une remarque. D'accord. Mais je... Oui. Merci, je suis d'accord. Non, je cherche un truc intelligent à dire, j'en trouve pas, alors vous mettez... Enfin, j'ai compris ça en lisant ta thèse. Ah, oui, non, mais alors. Tu l'avais déjà dit. Hein. Par contre. Merci d'avoir lu ma thèse. Non, par contre, ce qui peut à la limite devenir intéressant, évidemment, c'est quand on. Si on fait l'hypothèse que effectivement, la nature, par un concept physique de l'homogénéité classique, mais que c'est un phénomène politique et que ce phénomène, en tant que phénomène politique, devient global. Dans ce cas, ce que tu dis quand tu dis les cultures sont pas des trucs qui flottent dans le vide, des attractions en fait, mais s'expliquent par des dynamiques écologiques, une sorte d'esthétique de l'adaptation, comme ça, comme ce que décrit Descola. Effectivement, du coup, ça oblige à comprendre le multiculturalisme, en tout cas les croisements interculturels, à ces tournes-là aussi, c'est-à-dire que puisqu'on a tous la même nature désormais, c'est bête qu'on est censé tous avoir la même culture, mais c'est que ça donne une raison de plus pour les cultures de n'exister que les unes dans les rapports avec les autres. Donc le concept de nature politique globale, dans ce cas-là, aurait une sorte de potentiel, ouais, colonial, un peu inattendu. Mais sur quoi d'ailleurs travaille Véros en ce moment, tout va bien. Moi, je voulais te poser une question, je sais pas, c'est aussi une remarque, ça reprend en fait le problème que posait Charlotte, qui est, en fait, je me pose la question de savoir si le tournant ontologique n'est pas envisagé parfois comme une espèce de continuation de la dimension critique des sciences humaines plutôt que comme un vrai tournant, pour deux raisons en fait qui me paraissent assez prégnantes en fait quand on t'écoute. D'abord qu'en fait tu envisages le tournant ontologique, et Charlotte elle l'a rappelé dans sa dernière intervention, comme ce qui nous permet de faire une critique de notre propre modernité, alors que très concrètement, Véros de Castro, dans les premières pages de Métaphysique cannibale, dit il faut arrêter de penser que l'anthropologie sert à nous penser nous. C'est fini, on a dépassé ce stade-là. Ça n'est pas un problème réflexif et le tournant ontologique doit être complètement autre chose. Donc du coup, ça serait ma première question, c'est de dire oui, Bruno Latour, il pousse de trucs jusqu'à dire bon, bah, faut faire une anthropologie de nous exactement comme on fait une anthropologie des autres. Mais ça veut pas du tout dire que la pensée des autres doit nous servir à nous réfléchir à nous. Donc du coup, le fait que tu ramènes le tournant ontologique à une dimension critique, effectivement, il apparaît plus du tout comme novateur, mais est-ce que c'est pas là, pour le coup, le tirer un peu vers ce qu'il n'est pas? Et du coup, d'où ma deuxième question, en fait, qui à mon avis est liée. En fait, depuis tout à l'heure, on parle d'un tournant ontologique et à aucun moment, quelqu'un s'est dit, tiens, quelle est la dimension réellement ontologique du tournant ontologique? Et ça rejoint, en fait, une remarque que vous avez faite, c'est-à-dire que moi, il me semble, hein, en tout cas, quand on lit Viveiros de Castro plus que les autres et plus que Descola, ça c'est certain, il y a quand même l'idée de dire, attendez, il s'agit de dire que ce que vous avez défini comme le réel, comme l'être, c'est pas du tout une évidence. Et donc, ça, je pense que cette dimension-là, qui est une dimension qui consiste à dire il faut redéfinir notre ontologie, parce qu'en réalité, on prétend savoir ce que c'est que l'être, mais il y a des cultures qui nous imposent le fait que peut-être c'est pas ça. Cette dimension-là, elle n'a pas été abordée par ton truc, et ça, pour le coup, c'est une vraie rupture avec juste la critique de la modernité. On est rentré dans complètement autre chose. D'où, du coup, une remarque par rapport à votre truc. Je pense qu'effectivement, ça n'a absolument pas prétention à constituer de bonnes ethnographies, et je pense qu'ils n'arrêtent pas de le dire eux-mêmes. Mais surtout, c'est, du coup, ça ne consiste pas à dire qu'on croit à ce qu'ils disent. Le problème de la façon dont Evans, enfin, vous parliez d'Evans Pritchard tout à l'heure, c'est qu'Evans Pritchard, il part d'un postulat qui est notre ontologie, qui est il y a le réel et dessus il y a des discours. Ce qui est exactement en fait la façon dont vous avez articulé votre propos. Le problème, c'est que le tournant ontologique, précisément, il dit en fait, c'est un postulat métaphysique de dire qu'il y a le réel et des discours dessus, et on n'est pas du tout nécessairement ceux qui savent ce que c'est que le réel. Et ça, c'est quand même un point où, à mon avis, le tournant ontologique a peut-être un tout petit peu plus d'avenir que ce que Pierre a laissé penser, parce que c'est quand même une question grave. Mais il faudra bien un moment empiriciser le tournant ontologique. Alors, c'est quoi votre méthodologie pour savoir ce qu'est le réel pour l'autre? Mais si il ne passe pas par le langage et par les pratiques de... Mais il passe par le langage, justement, en permanence. Enfin, c'est oui, mais c'est bien ça. La tradition qui est complètement gommée du tournant ontologique, c'est la tradition d'anthropologie linguistique et de prise en compte des contextes. Mais pas du tout. Par exemple, Sorales travaille sur le langage et il montre à partir du langage qu'on n'a pas les mêmes émotions et que l'émotion est un problème culturel et pas naturel. Il y a quand même cette dimension linguistique chez Sorales qu'on peut... Enfin, il n'est pas du tout du tournant ontologique. Mais même chez Viveiros de Castro, dans sa monographie, tout part bien d'un problème justement linguistique. Et le problème en fait de l'ontologie est toujours au début perçu par un problème de communication qui est linguistique. C'est-à-dire qu'on se rend, on parle pas de la même chose avec, c'est bien ça. Et ça, c'est par exemple, c'est quelque chose qu'on. Et l'ontologie, c'est quelque chose. Oui, mais le langage exprime bien une ontologie. Si par ontologie on entend la définition de ce qui est en tant que ce qui est, donc une bouteille d'eau, enfin, c'est ça, c'est le découpage conceptuel. Donc du coup, ce découpage conceptuel passe bien par la langue. Non, mais il y a aussi une opération de pensée extrêmement vigoureuse de la part d'Eduardo Viveiros de Castro, pour à partir de cette donnée de terrain, épurer ça sous la forme du perspectivisme, puis sous la forme de la traduction équivoque. Et à chaque fois, on a un saut d'abstraction supplémentaire qui fait que ce qu'il appelle ontologie, c'est quand même le résultat d'un travail conceptuel d'abstraction qui est pas neutre, quoi. Et donc après, on replaque ça sous forme d'une ontologie sur l'autre. C'est problématique. Mais c'est peut-être pas simple de comprendre aussi par les ontologies. Attends, je vais répondre Pierre. Il n'y a pas eu de réponse, peut-être répondre aux trois remarques qu'on comprend bien. Tout le monde peut parler, là, ça s'excite. J'ai pas à jouer l'arbitre. L'anthropologie linguistique est effectivement oubliée de ce genre de travaux. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas attendre de la grammaire des ontologies qu'elles puissent accueillir d'autres formes d'anthropologie à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est pas possible. Simplement, il va y avoir un enrichissement progressif des études de terrain qui vont être menées avec une sorte de garde-fou conceptuel qui va être celui d'éviter les impasses de l'anthropologie passée que ces gens-là ont mis en avant. Mais en fait, ça va se faire de manière négative, en fait. Ça va pas se faire de manière prescriptive, c'est-à-dire voilà le genre d'études qu'il faut faire, le genre d'études qu'il faut pas faire. Mais ça va se faire sous la forme, voilà le genre d'erreurs qu'il faut éviter, en fait. Et de ce point de vue-là, je suis pas sûr que l'anthropologie linguistique fasse des erreurs fondamentales, parce que, quand même, reprocher à l'anthropologie linguistique d'établir une différence entre, enfin, d'être représentationniste, si vous voulez, c'est-à-dire de dire qu'il y a du langage et il y a de la réalité, c'est quand même un reproche. Dans ce cas, on n'étudie plus jamais la langue, quoi. Il faut bien qu'il y ait des médiations avec la réalité. La langue en est une superbe, une des plus complexes, des plus révélatrices aussi, de ce point de vue-là. Et c'est pour ça, en fait, je réagis en fait à ce que tu disais, que moi, je ne suis pas du tout d'accord pour lire dans le tournant ontologique quelque chose qui est homogène avec ce que la philosophie fait quand elle dit qu'elle fait de l'ontologie. Au sens, si vous voulez, ontologie des révisions, Strawson. Peut-être qu'elle le fait, mais pas mon travail. Du tout. Ma remarque, en fait, était relative à la question linguistique dans la mesure où il m'a semblé identifier dans le discours, dans le dialogue qui s'établit ici, à la fois une posture réaliste et une posture antiréaliste. La posture antiréaliste étant celle qui dit que rien n'existe indépendamment du langage, et la posture réaliste qui consiste à dire quelque chose est, et ce malgré le, enfin, et ce indépendamment du langage. Donc c'est simplement la question du référent. Donc lorsque j'emploie le mot bouteille, il y a la bouteille physique qui est là devant moi, qui se présente à moi, et actuellement pour dire le mot bouteille en une langue étrangère, ça renvoie au même référent. Donc la question, c'est de savoir s'il y a des objets empiriques qui existent indépendamment de la diversité linguistique et la pluralité ontologique existante. Il me semble que oui, et ça, moi j'adopterais plutôt une posture réaliste. Alors que la vôtre, enfin celle que vous aviez évoquée tout à l'heure, elle me semblait plutôt avoisiner l'antiréalisme tel que le définit John Hartzell, la construction sociale de la réalité. Bon, mais on n'est pas obligé de définir la réalité comme ce qui est extérieur au langage. Ça, c'est un genre de partage qui ne regarde que les métaphysiciens, pour le coup, et qui ne m'intéresse pas du tout. Du coup, est-ce qu'on pourrait revenir à la... Parce que dans mon premier temps de parole, j'avais une dernière question. Est-ce qu'on a la définition de l'ontologie et la métaphysique pour les anthropologues et pour les philosophes? Oui, mais justement, bizarrement, je ne suis pas ce philosophe-là. Non, mais ce serait intéressant de savoir justement ce qu'on entend par ontologie, à la fois dans le tournant ontologique, donc pour les anthropologues. Je ne retiens en fait du concept d'ontologie que j'ai défini un régime d'engagement collectif dans le monde. Pour ça, quand on définit les choses comme ça, on n'est pas du tout obligé d'aller chercher un... comme ça, par exemple, une sorte de position réaliste qui serait que le calque d'une position de type... sémantique sur la vérité, aucun intérêt. C'est ça vraiment pas aucun intérêt. Pour moi, aucun intérêt. Par rapport au genre de questions auxquelles que j'essaie de poser et auxquelles j'essaie de répondre. C'est ça quand même, si vous voulez, un des grands intérêts du concept de pratique, c'est au moins celui-ci. C'est quand même de dissoudre toute opération conceptuelle qui essaye de se dépasser elle-même. Hein, il y a un minimum de d'évaluation théorique quand même qu'il faut admettre, c'est qu'on ne maîtrise que l'espace qu'on arpente avec nos concepts, ceux-ci étant eux-mêmes construits par nous-mêmes. Donc rejoindre le grand extérieur, moi, soit je vais courir, soit. Mais ça ne veut pas ça pour les gens qui font l'ontologie. Pas pour tous, si on prend, je veux dire. Bon, moi, je suis d'accord avec ta définition de l'ontologie. Des gens qui font de l'ontologie sociale, qui sont pas très proches de nous, comme Tony Lawson, parlent assez lourdement de la pratique sécularisée de la métaphysique. Ouais. Et d'autres, Lawson parfois se rapproche de l'acception de l'ontologie, qui sont par exemple celles de Frédéric Lourdon, qui pratique aussi bien l'économie que la philosophie. Quand Lourdon dit qu'il s'agit simplement de retrouver un moment dans lequel on... d'arriver à un moment dans lequel on a un grain moyen et plus du tout le détail de l'enquête empirique. On va se poser la question de savoir ce qu'on fait avec les grands concepts d'une pensée qui est une pensée discordante par rapport à la nôtre, comme celle de l'individualisme théorique des pensées néolibérales. Là, l'ontologie prend un autre sens, c'est le moment dans lequel on s'écarte de l'enquête empirique, entre guillemets, et on se demande, un examen du type life crisis, comme tu disais, de ce qu'est l'armature conceptuelle avec laquelle on opère, de manière générale. Oui, non, c'est vrai que c'est genre, j'aurais même dû le dire dans le papier, c'est un concept, enfin, c'est pas une chose, c'est un concept déjà, donc il y a plusieurs définitions, effectivement, les définitions. quand même, on a du mal à reconnaître pourquoi elles finissent par porter le même nom. Mais bon, oui, c'est drôle. Comment tu dis la métaphysique de la pratique, c'est l'enseignement pratique sécularisé de la métaphysique. Ouais. C'est drôle parce qu'il dit exactement le contraire de ce que je disais. C'est-à-dire, je pense qu'il faut faire le contraire. C'est-à-dire, considérer en quoi la philosophie, ce que nous on fait quand on fait de la philosophie, voire de la métaphysique, c'est une manière de sacraliser, entre guillemets, quelque chose qui est fondamentalement de l'ordre de l'ordinaire. Bon. Alors, si personne ne veut poser de questions, moi j'aimerais en poser une. Il nous reste 5 minutes en gros, c'est ça? Alors, c'est une question qui est un peu... qui se place un peu sur un point d'extériorité. J'espère qu'elle va quand même être claire. Je vais essayer de la rendre la plus claire possible. En gros, j'ai l'impression que ta généalogie, Pierre, moi je la trouve très juste. En tout cas, je la reconnais sur un point, mais qui du coup me pose problème avec à la fois la sociologie et l'anthropologie. C'est en gros ce que j'appellerais un espèce de sociologisme inhérent à l'anthropologie. Et peut-être que Charlotte, tu pourras me répondre aussi sur ça. C'est vraiment un point tout simple. C'est dans quelle mesure est-ce qu'il n'y a pas une équation implicite toujours posée entre pratique et pratique collective. L'objet de ce séminaire, c'est d'articuler la pluralité des pratiques et la pluralité des ontologies. Et j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on essaie de penser comment des ontologies sont véhiculées par un certain nombre de pratiques, on pense à des pratiques collectives, solidifiées, objectivables, telles que c'est des pratiques collectives. Et en fait, je me demande dans quelle mesure il ne serait pas possible de produire de l'altérité avec des pratiques qui ne soient pas forcément des pratiques collectives. Parce que j'ai l'impression que le radar du sociologue, et du coup, si je crois à ta généalogie, le radar de l'anthropologue, fait apparaître des pratiques que si elles sont solidifiables en tant que collectif, que si c'est des croyances, etc. Et mon point, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas produire encore plus d'altérité en croyant à l'existence de pratiques aussi qui véhiculent des ontologies, mais à un niveau individuel. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que cette question-là est prise en charge par les gens du tournant ontologique? Un exemple, on a parlé de Montaigne. Montaigne, il se pose aussi une question de la pluralité des pratiques, mais d'un point de vue du sujet, d'un point de vue individuel, en parlant de la pluralité des commerces. C'est-à-dire, est-ce que mes différents engagements pratiques, je suis un Montaigne qui peut être mondain à la cour, qui peut être retiré et qui peut avoir des pratiques physiques, aller à la chasse ou tout ça, et est-ce que là il y a des ontologies, est-ce qu'il y a des matériels ontologiques distincts dans ces pratiques différentes ou pas, voilà, donc je sais. Et du coup je me demande dans quelle mesure là il n'y aurait pas une opposition disciplinaire entre une espèce de match entre d'un côté sociologie et anthropologie d'un côté contre la psychologie peut-être qui elle prendrait la dimension subjective individuelle de ces pratiques. Moi, sur la psychologie, c'est compliqué, mais... Bon, je pense déjà que... Enfin, ta proposition, on peut l'admettre. Par contre, si on l'admet, il faut admettre aussi que ça va se faire complètement hors du champ des sciences sociales. Des sciences sociales. Parce que, en sciences sociales, le concept de pratique, justement, n'a de sens que s'il est collectif. Que tu le prennes chez Marx, Praxis, ou que tu le prennes chez Weber, chez Durkheim. En fait, jusqu'à chez Bourdieu, tu vois, Bourdieu, penseur de la pratique. Bourdieu, il te dit... il nous dit... pratique, c'est quoi? C'est ce qui accroche l'action, enfin, c'est ce qui est générateur d'histoire dans l'action. Donc en fait, c'est pour ça que ça ne peut pas être individuel. À moins d'avoir des croyances un peu rustiques dans des héros historiques qui font l'histoire à eux tout seuls, ce qu'on n'est quand même pas trop inclin à admettre aujourd'hui, t'es bien obligé d'admettre que pour que l'action devienne de la pratique, si tu veux, pour que ce que je fais soit de la pratique, il faut que ça ait un minimum de rapport à quelque chose qui est, comme tu dis, solidifié. Moi, je dirais même, en fait, sédimenté. C'est-à-dire que ce que je fais répond d'une certaine manière à des instructions collectives ou des commandes, même si elles ne sont pas explicites. D'ailleurs, en général, elles sont totalement implicites. C'est ça, le social. Donc voilà, la pratique, c'est du collectif que from scratch quoi. On peut pas décoller de ça dans un référentiel SHS. Alors après, le problème c'est que la psychologie, elle est un peu mal avec ça, parce que la psychologie, soit elle cherche à alimenter la raison sociologique ou anthropologique en disant qu'elle va, en passant par en dessous de l'individu, qu'elle va chercher des patterns de structuration de la pensée ou de l'action qui, comme ils sont en dessous de l'individu, en fait, valent en général pour tout le monde. Donc là, elle va tellement en dessous qu'elle va rejoindre tout de suite une sorte d'universalité qui est très difficile de pondérer, en fait. Soit, effectivement, on fait de la psychologie au sens... en fait, bizarrement, au sens de la psychologie sociale, qui est une discipline, la discipline la plus asociale du monde, puisque c'est une psychologie qui fait péter, justement, le concept sociologique de pratique, en disant que tout ça n'est lisible que du point de vue de l'accumulation des actions individuelles, avec effectivement des concepts comme ceux que tu mentionnes, enfin émotion, affectivité, etc. Et donc là, du coup, on trouve une sorte d'étage médian du discours scientifique, qui a un étage médian complètement délabré, quoi. C'est-à-dire, pas grand monde pour le défendre, cet étage-là, même si au fond je le connais pas, je l'ai pas visité, donc a priori. En tout cas, voilà, pour répondre, ok, mais ça va pas être. Comme tu l'as dit, hein, ça va pas être des sources sociales. Non, parce que le point de vue, pour expliquer la généalogie de ma propre question, en quelque sorte, le point d'où je partais, c'était l'intérêt hyper précoce de Foucault pour la psychologie. Et je me demande s'il n'y a pas une espèce de psychologisme chez Foucault, voilà, qui ressort à la fin aussi. Ma question, c'est est-ce qu'on peut documenter des ontologies à partir des pratiques individuelles et non pas de pratiques collectives? Voilà, c'est... Oui, ah, d'accord. Bon, c'est une vaste question. C'est l'intérêt de la tour. Enfin, je veux dire, c'est presque là qu'il faudrait brancher la tour à la sociologie des engagements multiples, dans la mesure où, enfin, je veux dire, aller à mon laboratoire de biologie moléculaire le matin et me faire psychanalyser par un lacanien le soir. Et je veux dire, une sociologie des engagements multiples rendrait compte de ces engagements ontologiques, c'est un bon mot. Mais je pense que l'enquête sur les modes d'existence de Latour permet d'identifier ça assez précisément, c'est-à-dire des moments de couplage entre des modes d'existence. C'est ça que tu pensais ? C'est pas dans la direction dans laquelle... Non, mais c'est vrai que c'est une possibilité, effectivement, pour capter des choses qui sont de grain, en fait, vraiment ontologiques, mais au niveau d'action individuelle. C'est vrai que la tour permet de faire ça. Moi, j'ai une petite intervention qui se relie, je pense, aux propos qui viennent de se tenir, mais à partir de mon souci personnel. C'est-à-dire, il m'a semblé de temps en temps, dans un exposé que je trouve vraiment très très éclairant, hein, que j'ai beaucoup aimé, mais il m'a semblé de temps en temps qu'il y avait une tendance justement à vouloir, avec une approche politique explicite vers la fin de l'exposé, en quelque sorte minorer ou minimiser peut-être cet étage intermédiaire entre le souverain et les sujets qui est précisément le social. Alors ça, c'est peut-être paradoxal et puis vous allez me dissiper ma difficulté. Mais je reviens à ma question, parce qu'il me semble que cet étage intermédiaire social qui n'est ni celui vraiment des sujets ni celui du souverain et qui a permis la naissance justement de la sociologie, et c'est pour ça que ça m'a intéressé le départ dans la sociologie, c'est aussi l'étage ontologique, c'est pour ça que je le relis, parce que c'est peut-être pas au sens où ça a été défini tout à l'heure, ou peut-être pas, vous allez me dire que peut-être oui, mais au sens de l'ameublement du monde. Moi, je vois ontologique dès qu'il s'agit de savoir ce qui meuble le monde, et pas forcément le catégorisant en opposant justement humain non humain ou objet-sujet, ou toutes ces catégorisations qui, effectivement, sont métaphysiques ou relèvent d'une certaine histoire de la métaphysique. Mais dès qu'on est dans l'ameublement du monde, je pense qu'on est dans l'ontologie. Et c'est vrai que je fais mérite à ces nouveaux ou pas nouveaux, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça s'appelle une tournée ontologique. Nouveau, mais plutôt jeune. D'avoir explicité ça, c'est-à-dire qu'il fallait, quand on étudiait le social, moins justement opposer l'individuel et le collectif que se poser des questions sur l'ameublement du monde. Et comme hier, j'écoutais un exposé d'anthropologie sur la monnaie, sur les premières monnaies, sur celles qui sont apparues en Asie mineure, donc c'est très très archaïque. Bon, ce qui m'a intéressé, c'est que justement, il y a vraiment un questionnement ontologique à ce propos, parce que ces objets qui ont un matériau déterminé, qui peuvent être en argent, en or ou autre chose, qui ont un poids, qui servent à faire du comptage, donc qui servent à faire de la comptabilité, et qui effectivement solidifient, on peut dire, des échanges, hein. C'est en même temps des êtres, et c'est considéré comme des êtres. On ne va pas les opposer à des vivants ou à des plantes. Hein. Ce sont des êtres, ça fait partie de l'ameublement du monde. Donc, moi, il me semble que si on esquive, peut-être c'est pas ce que vous voulez dire, mais si on met de côté cette dimension qui n'est pas directement politique, mais où le politique devient un des niveaux possibles de ce qui se passe dans le monde, quoi. Et n'est pas l'approche privilégiée. Mais le politique existe, c'en est un des niveaux. Et en même temps, vous voyez, ce n'est pas moderne, puisque ces objets de monnaie sont très, très, très archaïques, c'est pas moderne. Hein. Et en même temps, ça anticipe une étude de la science qui peut-être un jour deviendra la science moderne, mais qui est tout de même une science sur laquelle nous faisons encore fond, hein, qui est par exemple la géométrie, la mathématique. C'est pour ça que je me suis dit, s'il y a tout de même des catégories de moderne ou de conflictualité politique, qui écrase un peu cette interrogation ontologique que je fais mérite donc, à nos nouveaux, pas nouveaux, je ne sais pas, du tournant, d'avoir resoulevé hein, que cette question était fort importante et que c'est tout à fait lié au social et que le politique en était un aspect, mais pas forcément le cœur. Oui, bon, c'est vrai que c'est une question importante parce que bon, moi, j'appartiens à une communauté philosophique, si on veut, sur une manière positiviste, en fait. Voilà, je suis positiviste. positiviste. Dans le sens Carnap, ça devienne, dans le sens Comte, Durkheim en fait. C'est-à-dire, quand on dit politique, on ne dit pas ok, qu'est-ce qui vient après? Quel genre de décision on prend quand on a décidé ce qu'il en était des choses ou qu'est-ce qui est vrai et faux, etc. Mais au contraire, en quoi le projet épistémologique a sa racine à quelque chose de politique, dans la mesure où par exemple ordonner les choses, c'est toujours ordonner les hommes et réciproquement. Donc, au fond, cette exigence, c'est un côté provoque de se dire positiviste, ça fait pousser des vestes en velours et des carrés en cuir sous les coudes, mais c'est ça l'idée en fait. C'est justement en fait d'avoir un concept de politique qui est pas celui que vous suggérez quand vous dites que le politique, en fait, je vois très bien pourquoi on pourrait être pris en défaut sur ce point-là. Parce que si effectivement on dit on fait monter les problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent politiques, et à ce moment-là on dit ah mais en fait c'est ça qui gouvernait tout, c'est pas de la bonne philosophie, ça c'est de la paranoïa. En tout cas c'est de la réduction. Ouais, et par exemple ça existe par exemple, il y a plein de lectures contemporaines de Bourdieu qui ont cet effet de crispation, c'est-à-dire quand la politique devient un instrument qui permet de dire aux autres, ceux qui ne le seraient pas, ah, non seulement vous n'êtes pas politique, mais en plus vous êtes politique malgré vous, du coup vous faites de la mauvaise politique, c'est ça que vous voulez dire en fait. Enfin, c'est ça que je comprends dans ce que vous dites, moi je suis d'accord avec ça. Je pense juste que politiser un problème, ça veut pas dire chercher la petite bête politique que les autres n'auraient pas vue parce qu'on est plus malin. Ça veut simplement dire que, en fait, toute la construction des savoirs est, voilà, est politique dans ce sens où elle est corrélative d'une ambition de mise en ordre. Simplement, distribuer les propriétés des choses. On regarde dans la philosophie grecque ancienne, les présocratiques distribuent des propriétés aux choses. Mais ça veut dire, enfin, Vernant le dit assez bien, il y a les travaux d'Arnaud Massé qui vont paraître bientôt sur les concepts de nature en Grèce ancienne, le disent de manière à mon avis remarquable. C'est des gestes qui sont politiques, pas au sens où c'est qui c'est le chef, des choses comme ça. C'est politique dans le sens où c'est la prise en charge du destin collectif, quoi. Des hommes et des choses avec eux. Donc, voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis désolée, je vais devoir incarner le principe de réalité. On a dépassé l'heure de fin largement. On s'arrête sur prise en charge du destin collectif, ce qui est pas mal. C'est une belle clôture. Merci à Pierre pour cet exposé Merci à vous. Qui a suscité la polémique et le débat. Ouais, merci beaucoup.